KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Si les naufragés de Lost devaient écouter une seule émission de radio. Putain, 25 secondes pour parler, ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de paumés. Michael. 21h minuit. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Ouais, bah bientôt il faudra l'enlever le jingle. Hein. Pourquoi ? Bah c'est fini Lost. Et puis surtout, c'est en train de revendre des morceaux de la série. Je sais pas, j'ai jamais su ce que c'était. C'est énorme, c'est énorme. Et il paraît qu'ils vont faire trois fins différentes. Bah non, elles sont déjà pliées les fins. Non. En fait, et donc la fin, c'est un double épisode. Ouais. Et à la fin de ce double épisode, sur internet, je crois, tu vas pouvoir aller voir des fins alternatives. Ah bon ? Ouais. Bah Prison Break, il y avait ça ? Ouais, Prison Break, t'avais deux fins différentes. Oh merde, j'en ai vu qu'une seule. Bah c'était, t'as vu laquelle ? Je sais plus, c'était tellement chiant que j'ai oublié. Ouais, bah il y en a une où il meurt. Oui, c'est ça. Non, oui. Non, les deux ils meurent. Ah bah génial. Alors il y en a une où il meurt d'une longue maladie je crois, et puis il y a autre chose après. Alors, moi, le gars de Prison Break, ouais, il meurt. Ouais. Moi celle que j'ai vue, c'est quand ils se rejoignent tous, machin, etc. pour aller voir Michael Scofield, et qu'en fait ils se rejoignent pour aller fêter son anniversaire mais au cimetière. Nous aussi il va falloir qu'on fasse plusieurs fins. Ouais, mais il y en a une sera bonne ou pas ? Qui meurt. Ouais, qui va mourir ? Bah déjà les cheveux de Sandro sont morts. Pas moi. Ah, moi je peux pas mourir moi. Les cheveux de Sandro. Bon, bon appétit, parce que ce soir on mange tous, là on est bien. Ouais, on a la dalle là. Non mais merde, après tout. Férié, hein. Ouais, grave, en branle. Enfin, c'était férié, parce que maintenant ça n'est plus, enfin plus pour tout le monde. Pourquoi ? Bah, c'est la retraite, tu sais, c'est le jour de cotisation, ou t'es des vieux, là, ou je sais pas quoi, là. Ah ouais. Donc, ça, c'est mon plat, Roux, par contre. Ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est mon plat. Non, mais il s'en fout, elle a rien à branler. Ah, hein. Mais te voler tes brocolis. Oui, des brocolis froids. Mais c'est bon, hein. En plus, froids, ils sont bons, et moi, j'aime bien quand ils sont un peu croquants, donc là, c'est ça parfait. Ça se mange en salade, les gars. Eh ouais, ça fait rêver, les gens se disent, des pizzas, des Big Mac et tout. Non, c'est des brocolis. À l'époque. Ah, si on l'a fait pendant 5 ans, voilà, on a pris 10 kilos chacun, ouais, voilà, là maintenant on mange des légumes. On s'est transformé en Big Madame et donc ça a été une catastrophe, mais bon. Et maintenant on se partage. Qui veut des brocolis? Oh, ça fait rêver. Ah, j'ai des épinards également. Oh, du poivron rouge, tomates. Oh, ça donne du goût. Non mais comme quoi, parce que c'est vrai qu'on dit en général, oui, les gens qui sont dans les médias mangent mal. C'est vrai. Non. Enfin, le soir, pas dans les médias, mais ceux qui travaillent le soir. Quoi, ah ouais, le soir, oui. Donc, mange mal, ce n'est pas vrai. Non. Nous mangeons sainement. Non, mais il aime pas. Comment tu peux manger ça? Mais il a quasiment fini le pot, là. Il a la date, parce qu'il mange sainement, justement. Ouais. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, toi, va bien aussi. Qu'est-ce qu'il bouffe, lui? Il va bien, je mange une omelette. Une omelette, toi. Oh là putain, là, on fait pitié. Hein. Ah ouais, là, ouais. Bon, qui va bouffer un double cheeseburger? Vais, là. Et moi, salade, ah ouais, les ça, gars, ouais. Salade sans sauce. Wow. C'est dégueulasse. Mais il y a le double cheeseburger derrière la porte. Non, j'ai dit non. Non, mais lui, toi, tu as dit non, mais lui. Et il a pas dit non. Il n'aura pas le dernier mot. Tu veux des brocolis? Non, c'est bon. Bah, ils sont bons. Hein, non, je préfère. Oui, ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Je préfère ma laitue sans sauce. Je les ai fait moi-même. Ah, tu me donnes envie. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Vous êtes dingue ou quoi? Comment voulez-vous que je fasse ça? Une fois que ça s'achète, on fait quoi avec ça? Rien, moi. Un brocoli. Comment ça marche? Moi j'en avais acheté, mais j'ai jamais cuisiné, je sais même pas comment on fait. Ouais, c'est ça, donc on les achetait en fait au final. Bon, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Les brûlures du Roux sont toujours présentes. Ouais, un ça a empiré. Hein. Ouais, bah ça a empiré, bah tu m'étonnes évidemment, c'est ça le problème avec le soleil. Hein, ouais. Pas que t'habites dans un pays où il fait toujours dégueulasse. T'as presque bien choisi, mais. Non, mais en fait, chez moi il y a jamais le soleil. C'est-à-dire? Parce que je suis entre deux immeubles. Oui, il habite dans un HLM, oui, HLM. Malheureusement. Mais ouais, c'est dur. Hein. Pauvre Roux. Mais ouais, je sais, c'est difficile. Enfin, bref. Les pigeons viennent. Se reproduire sur son balcon. Ouais, bah ouais, je sais. Bon, et puis ce soir, bah c'est férié, donc Jack est là, pas de cours de cuisine. Ouais, voilà. Eh ouais, bah c'est dommage. Ah ouais, je me rattraperai dans la semaine. Oui, bah c'est reporté le cours de cuisine, on n'en doute pas un instant. Mais oui, bah bien sûr, pour ça, il n'y a pas de problème. Ce soir, il y aura du lourd, puisqu'on recevra Fiction Plane. Alors Fiction Plane, c'est... Bah alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. À mon avis, c'est le morceau qui les a fait connaître. C'est ça. Pourquoi ça marche à moitié comme ça? Non, ça marche. Ça marche. Ah ouais. Ah oui. Non, vous avez vu, ça marche à moitié. Ah non, merde, d'accord, ok, c'est mon casque qui est mal vissé. Oh là là, Sandro, là, on sort. Attendez. De là. Bah non, c'est pas ça. Enfin, vous entendez bien, vous? Bah oui. Ah ouais. Non, c'est à gauche à droite, ouais. Mais c'est un petit peu plus faible. Non, ah, non, bah non. Regardez non. Ça, ça fait bleu, bleu. Ah, mais c'est chambé, ça. Non, mais... Enfin... C'est quand même pas possible, attendez, je suis en train de délirer ou quoi? Bah tu me fous le doute là maintenant. Non mais vous entendez pas qu'à un moment le son il est dégueulasse? Moi j'ai... Là ça va, attendez. Complètement non, ça marche. Ouf, toi, tu vas mal finir. Arrête aussi, hein. De ma gueule. Tu vas finir comme Toff, toi. Non, mais je pense. Écoutez. Non, ça l'a fait là. Attendez. Ah. Non, mais t'as peut-être un faux contact avec. Mais oui, mais j'ai un faux contact là, mais. Bah non, non, non. Ah oui, quand je vais mettre le contact, ça marche plus. C'est ton fil de casque. Oh non, merde, putain, je peux faire l'émission avec le casque cassé. Oh non, putain. Prends le casque de Pablo là. Oh non, bah non, il transpire. Il y a plein de casques oh, à ma dernière merde, studio. Putain. Bon bref, voilà, donc c'est eux, alors je suis passé pour un dingue. Fiction Plane, donc avec Two Sisters, ce sera donc tout à l'heure. Je sais pas s'ils feront cette celle-là en particulier, mais bon, en tout cas, ce sera tout à l'heure. Fiction Plane en live et puis avec l'interview. Apparemment, ils parleraient français, d'après ce que j'ai vu. Ah bon ? Ah ouais ? Donc ce serait facile déjà pour l'interview, parce qu'au talon est tranquille. Bon, on aura aussi un petit chéri, je t'ai fait cocu ou un GV. On aura le Mac du jour, comme d'habitude. On devrait également avoir Monsieur X. Ah, super. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un mode brocoli là donc. Grosse bouffe, bouffe des brocolis. Eh oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on aura de questions pour une réponse évidemment. Et puis bah, ce soir, Radio Chatas, j'ai décidé d'inviter Bilou puisque c'est un jour férié. Et comme en général, le vendredi et les jours fériés, bah, on fait venir des. On fait venir des, j'allais dire des débiles. On fait venir Bilou donc. Tu peux les faire sortir. Voilà, on fait venir Bilou donc pour un Radio Chatas. Voilà. Et puis il y a le répondeur aussi qu'on écoute maintenant. 01 40 71 3400. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut Rouge, une chanson exprès pour toi. Si t'es fier d'être un bout de table dans tes mains. Si t'es fier d'être un bout de table dans tes mains. Si t'es fier, et puis après je crois que vous la connaissez. Bon allez, bye. Fin du message. Ouais. Message suivant. Ça vaut bien la peine. Putain de coup de gueule contre ma prof de français. Parce que le truc sur les misérables, d'abord il n'était pas noté. Et ensuite pour une façon d'éducation, on n'avait pas besoin de les faire toutes. Alors franchement... elle va se les mettre où, je pense, quoi. Et ensuite, au milieu d'année, oui, si on peut faire une sortie, elle nous dit à Europa Park. Alors, on est tous, ouais, bon, elle a dit qu'elle demandait. Hop, c'était réglé, elle nous dit oui. Alors, on était tous contents. Et ensuite, là, on lui redemande, mais pour savoir la date. Et elle nous fait, oh mais non, faut que je vous voyais encore. Alors, franchement, elle a vraiment un problème. Voilà, bisous à tous, ciao. Fin du message. Oh, message c'est pas contre suivant. Toi, mais là, ça, franchement, moi, je vais passer, ouais, mais un énorme coup de gueule. En fait, il y a deux semaines, j'ai joué au Sarko Game et j'ai gagné. Et Monsieur Micha m'a proposé une compile. Et trois semaines après, j'ai toujours rien. Il y a plus d'une semaine, j'ai gagné au répondeur et je devais recevoir mon lecteur d'Ivix. Alors, ça, c'est dingue. Une semaine et demie plus tard, toujours rien. Alors, je demande un triple cadeau. Donc une PS3, scooter comme vous. Un triple cadeau, t'en flamme pas non plus. Fin des nouveaux messages. Allez, t'as gagné une Ferrari cette fois, mon pote. Eh déjà, c'est quand même bizarre parce que Micha, le mec il gagne un Sarko Game, il gagne une compile, il gagne au répondeur et, il gagne, et au répondeur il gagne un lecteur DVX. Non non, un lecteur DVX. C'est le monde à l'envers. De toute façon il a rien reçu puisque Micha n'a rien envoyé. Voilà, quoi qu'il arrive. C'est génial, bravo à lui. D'ailleurs il n'est pas là. Non. À mon avis, il a dû croire que c'était le jour férié aujourd'hui, donc il était dispensé de venir travailler. Ah, c'est, ouais, une possibilité également. Bon, ah bah Monsieur X qui est déjà là. Alors ça, c'est exceptionnel. À 9h. Faites attention, il est 9h, il est tôt. Ne soyez pas grossier. Je suis pas grossier, enfin. Non, si. D'habitude, vous êtes grossier. C'est pour ça que je préfère prévenir. Pas parce que je pète des culs et que. Mais stop, stop, stop. Voilà, ouais, j'avais prévenu. Je savais que c'était une mauvaise idée. Je l'ai vu. Je me suis dit, je vais l'inviter. Fallait pas. À dire bonjour. Voilà, c'était un drame. Ah, bon, à tout à l'heure, Monsieur X. Oui, d'accord. Vous venez aujourd'hui, hein? Ah, bah, je suis là, donc. Oui, bon, enfin, vous. Non, mais que vous partiez pas, là. Ah, bah, non, non, moi, je vous attends. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, bon, oui, oui, oui, bon, c'est ça, tout à l'heure. Oh là là là là, ça y est, ça va partir en couille déjà. Bon, monsieur, ah, c'est passera c'est vulgaire. Tout à... Non, mais. Je voulais faire un effort, je me suis dit, bon, allez, ouais, peut-être bah, qu'avec toutes ces longtemps. Années, il a compris. Bah, non, il n'a rien compris. Bon, et puis, emmickaël.fr, si vous voulez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous êtes donc tous les bienvenus. Il y a Chloé, il y a Léa, il y a Joseph entre autres, il y a Justine, Alice. Enfin, parmi ces 64 000 personnes, enfin plus de 64 000 personnes connectées, mikl.fr. Je sais pas quoi mettre comme son US ce soir. Ah bah écoute, de toute façon on va demander à Fiction Plane déjà. Bah oui, déjà on demandera à Joe de Fiction Plane, bien sûr. On fera un petit blind test aussi tout à l'heure parce qu'on l'a pas fait vendredi. Et comme par hasard c'était le jour où c'était mon jour, vendredi. Ah bon? Je devais faire le blind test, on l'a pas fait. C'était juste quand c'était mon jour. Bah on le refera tout à l'heure, je te confirme. Bah ouais. J'ai prévu de très bons sons. Très très bons sons. On fera ça tout à l'heure. Et puis on va se faire aussi un petit Radio Chatas. On accueillera Bilou dans quelques instants, dans moins de 3 minutes sur Énergie. Mickaël, le podcast. Et nous allons pouvoir passer au Radio Chatas. Et oui, le lundi aujourd'hui, malgré tout, Radio Chatas, puisque jour férié, hein, jour des pigeons, en tout cas pour ceux qui ont bossé. Voilà, c'est ça, c'était une belle journée, beaucoup de pigeons sur Paris, hein, c'était bon, ils ont chié. Hein. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui posent un RTT aussi, hein, tu sais, pour... pour pas perdre la journée. Quoi. Ouais, ouais, parce que moi je connais un mec, il était, bah, il bosse, je sais même pas où il bosse, mais enfin bref, il bosse pas dans le, il est pas en banque, il est pas fonctionnaire ni rien. Je dis bah écoute, on se voit lundi. Ah moi je suis pas là vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ah bah je dis donc, putain, la vie est belle. Hein. Tu parlais de pigeons là. Oui oui c'est vrai oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On en est non? Oui oui bon enfin bon on a l'habitude. Oui ça va. Bah voilà on a l'habitude. C'est pas comme si on faisait tous les jours de congé tu vois. En même temps on passe pas non plus. Tout à l'heure nous aurons Fiction Plane. C'est le chanteur de C'est Joe donc le fils de Sting. Pour ceux qui connaissent pas. Et qui a une voix d'ailleurs qui ressemble beaucoup à celle de son père. Le frère d'Avrel. Joe et Avrel oui. D'accord. Non c'est pas ça. Donc Fiction Plane pour ceux qui connaissent pas. Vous pouvez vite aller regarder sur YouTube par exemple. C'est leur single qui est cartonné il y a quelques temps. C'est Two Sisters. Two Sisters. Two Sisters, voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus. Bon, Radio Chatas, ah. Allez, va chercher Bilou. Bilou, Bilou, Bilou, oh, il se dépêche. Bilou, Bilou, vas-y, viens. Bilou, non, il est là, il nous regarde, Bilou, ce connard. Bilou, allez, Bilou, allez. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi crier autant? Parce que. D'accord, ok. Bon, on va faire Radio Chatas. Bah ouais, on va faire Radio Chatas. Je suis perturbé, je suis pas habitué d'être là lundi. Hein. Ah ouais, ça fait bizarre. Ah oui, la semaine va être courte. Ah oui, va être très très courte. Parce que je reviens vendredi. Bah oui, c'est super. Ah oui, je sais, je travaille 15 jours par semaine. Mais tu sais qu'on est très content justement de te voir le lundi parce qu'on aura moins à attendre pour aller jusqu'au vendredi. C'est vrai, et moi je suis très content. Merci, c'est une belle phrase. Moi je suis très content d'être là lundi, comme ça je ne partage pas avec Jean-Claude. Ah voilà, c'est oui, bien. Oui, parce que Bilou est jaloux de Jean-Claude. Oui, non, je suis jaloux. C'est que je veux ma case. Mais tu as ta case. Oui, mais j'en ai qu'une. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais je veux ma case complète, même deux. Mais il t'en manque pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Bon, allez, Radio Chatas, on appelle le premier ce soir. Allez. Allez. Oui. Allô, monsieur Jean-Claude. Oui. Bonjour, monsieur Jean-Claude. C'est Bilou. Vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatas. Vous allez bien? Chatas. Oui. Oui, je vous appelle pour vous poser une petite question. Si vous répondez bien, vous gagnez des cadeaux. 109 points. C'est tout facile. Vous connaissez Radio Chatas? Non. Radio Jamais. Chatas. Vous avez déjà entendu parler quand même, non? Vous écoutez désolé, de temps non. en temps, le matin ou le soir, sur 109.3 FM. 109.3. Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous êtes un nouvel auditeur. Soyez le bienvenu. Je vous pose une petite question. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux. D'accord? Oui, quel cadeau? Alors attendez, d'abord on va voir la réponse, on va voir combien de temps vous allez mettre, et puis je vous donnerai les cadeaux, bien évidemment, en tout cas il y a des filets garnis comme tous les soirs. Quelle est la différence entre les seins d'une femme et un train électrique? Attention, 10 secondes pour la question. Vous ne savez pas? Même au hasard, vous voulez pas y aller quand même? Non. Non? Au hasard? Bah non. Bon bah écoutez, c'est perdu alors, hein. Tant pis. Eh bah oui, la réponse était aucune, c'est fait pour les enfants, mais c'est toujours papa qui joue avec. D'accord. Eh bah oui, monsieur Jean-Claude, vous serez dorénavant fidèle à Radio Chatas. D'accord. Oui, 109.3 FM. 109.3. D'accord. Vous pouvez me rappeler le nom de la radio? Radio Chatas? Non, Chatas, avec un T, Chatas. Et quelle est la fréquence? 109.3. Voilà, et le nom de la radio? Merci. Non, le nom de la radio? Radio Chatas. Non, Chatas, pas Chatas, Chatas. Et la fréquence? 109.3. Et le nom de la radio? Oui, Chatas, bon allez. Non, bah oui, bon, enfin bon, vous n'y arrivez pas. D'accord, c'est bon. Bien. Monsieur merci. Jean-Claude, je compte sur vous, hein. Merci beaucoup. Dorénavant fidèle à Radio Chat. D'accord, au revoir. Radio Chatas, au revoir, monsieur Jean-Claude. Oh mais il était très gentil lui. Oui il était gentil mais enfin il était genre il foutait de ma gueule. Ah oui je pense qu'il se foutait bien de ta gueule. Bon on va appeler un autre. Bah oui il vaut mieux hein. Bah oui parce que bon allez on y va on appelle. Non. Ah si voilà. Allô. Ah monsieur Hervé. Oui. Bonjour monsieur Hervé, c'est Bilou, vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatas. Radio Chatas. Ah, cool. Vous allez bien? Oui vous. Vous oui bien bien merci. Vous connaissez Radio Chatas? Radio Chatas. Vous avez jamais entendu parler? Vous l'écoutez souvent? Non. Non jamais, écoutez, c'est pas grave, vous êtes un nouvel auditeur peut-être. Bienvenue à vous monsieur Hervé. Je vous appelle pour vous poser une petite question et si vous répondez bien, vous gagnez des cadeaux. Ok, bah, allez-y. Alors écoutez bien, quelle est la différence entre un Tampax et un portable? 10 secondes pour répondre à la question. Et gagner des cadeaux. Si vous répondez bien, vous ne savez pas, dites-toi, ça on ne sait jamais. Aucune idée. Vous avez un portable vous-même? Oui. Ah, bah écoutez, la réponse c'est le portable, c'est pour les trous du cul. Malheureusement, monsieur Hervé, vous avez perdu. C'est dommage. Bah, écoutez, c'est pas grave. Vous serez fidèle dorénavant Radio Chatas. Radio Chatas. Quelle est la fréquence? J'en sais rien. 109.3 FM. 109.3. Cool. Voilà, et le nom de la radio? Je sais pas. Non, Radio Chatas. Radio Chatas. Ah, super. Voilà, et la fréquence? Je sais pas. Non, enfin, 109.3. 109.3. Et le nom de la radio? Allô? Oh là, double. Il a pas aimé. Oui, effectivement, il a pas aimé. Par contre, j'ai toujours pas compris ma propre réponse. Oui, alors oui, si, voilà. La différence entre un Tampax et un téléphone portable. Alors, le Tampax, c'est pour le trou. Et le téléphone portable, pour le trou du cul. comprends pas. Je comprends pas non plus. Non, non, moi j'ai pas compris. J'ai compris, j'ai pas dit que c'était drôle. Oui, mais enfin, nous, on l'a pas compris non plus. Hein. Bon, bah écoute. Il a rien capté. C'est pas grave. Ouais. Bon, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Ah oui, bah, faites attention. On me fait venir le lundi, mais que pour une fois. Eh ouais. Ah bah oui. On va prendre congé là. Ah, alors, ouais, bon, enfin, ça valait bien la peine. Vous m'aurez dit ça, je serais pas venu. Il va nous saouler pendant mille ans. Non, mais c'est pas ça. Mais bon, vous auriez pu me faire passer à la place de, je sais pas moi, monsieur X. Ouais, mais c'est pas comme si t'étais important. La jalousie. Ah ben oui, mais c'est pas ça. Je veux ma case. Oui, mais tu auras ta case. Ah ben merci, monsieur Roux. L'année prochaine. Lâche le jeu. Non mais je ne joue pas. Enfin bon, il y a la télécommande en main. La manette. Toi t'as le même problème que Michael. Non, c'est d'un tic animateur. Non, c'est une manette. Entre animateurs on dit ça. Oui, il n'y a que les grands animateurs qui arrivent à dire je ça. Je crois que ça fait mortel de dire ça. Bah oui. Paraît-il. Oui, il paraît, ouais. Oui. Non mais te fie pas aux rumeurs. Ah bon. Non, c'est une manette. Bon, je me casse. Voilà, allez, à demain. Bilou. Ciao Bilou. Il est parti tu vas nous manquer. Il est parti de lui-même, ce qui est bien. Hein, ce qui est plutôt positif. Oh, je l'aime bien, moi. Oui, bon, il est brave. Il est attachant. Il est brave. Bon, si vous avez d'ailleurs des numéros pour Radio Chatasse pour vendredi, là, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez Chatasse avec le numéro de la personne qu'on doit appeler et son prénom, pas le vôtre, hein, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, ces infos-là, et puis, sinon, vous pouvez aussi proposer ça, bien sûr, sur mikael@energie.com. Mikael, le podcast. Pour jouer au Sarco Game maintenant, nous avons Damien et Myriam. Salut Damien, salut Myriam. Salut, comment salut. Ça va? Ça va. Oh, mais dis-moi, vous allez en pleine forme. Hein. C'est-à-dire que Myriam. Sur vous. Ça va pas, Myriam? Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Oui, t'es sûr? Ouais. T'es vraiment sûr? Oui, c'est vraiment sûr. Bon, d'accord, alors je veux bien te croire. Bon, Myriam, t'appelles du 59, Aulnois-les-Valenciennes. Non, Valenciennes. Ah, ben moi je vois Aulnois-les-Valenciennes. Ouais, mais elle a honte de dire Aulnois, donc elle préfère dire Valenciennes. Bon, de Valenciennes donc? Oui, de Valenciennes. D'accord, ok. Et toi, Damien? Ça va être sympa avec toi. T'appelles du 17, le château d'Oléron, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. On va y aller, Damien, Myriam. Nous allons jouer au Sarco Game. Tu veux jouer avec qui, Damien? Avec Nico. Ah, putain! Gros, ça va. Bonjour tout le monde. Oui, salut Nico. Salut. Et toi, Myriam, tu veux jouer avec qui? Avec Sandro. Oui. Avec Sandro, très bien. Petit test chez Sandro. Bien sûr, pardon. Alors, hop. Baisse. Oui, lundi dernier. Lundi dernier, baise. C'était fait un kiff. Quand t'as eu mal, Sandro. J'ai enlevé. C'est vrai, mais j'ai baissé. Elle a dit baise. Ah, pardon, j'arrive. C'est peut-être une proposition. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Hein. Bon, alors, attention, Damien et Myriam. Je vais vous rappeler les règles du jeu, comme d'habitude, pour faire plaisir à tout le monde. Je vais donc poser des questions... People ou en rapport avec Sarko. Le concept étant bien sûr de prendre la main afin de répondre en premier. Si la réponse est bonne, tant mieux. Vous avez le point et l'équipe adverse n'a pas de point et surtout on prend une décharge. Si vous avez une mauvaise réponse, l'équipe adverse peut à ce moment-là se concerter afin d'avoir plus simple pour trouver la réponse. Gratuite. Vas-y. Ah cool. Ah oh en cœur. C'est beau. T'aimes la douleur. Très bien. Bon, et donc du coup, il faut impérativement donner une réponse avant de pouvoir se concerter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais gratuitement, me dit enculé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont mis mon téléphone en chinois. Mais c'est pas moi qui ai mis. Merci. C'est pas moi qui ai mis le téléphone encore en chinois. Encore un coup là. Merci. Tu veux mettre un peu d'eau? Ouais, bah oui. Attends, on va chercher une bassine. Les pieds dans l'eau. Voilà. Bon, on y va. Damien et Myriam, vous êtes prêts? Ouais. Première. Question. Vous êtes prêts? Parce que sinon je vous remets un petit coup pour vous. Non, ça va, ça va. Oui, moi je suis prête. Un acteur a déclaré au journal LA Times être à l'origine du fisco Indiana Jones. Qui était cet acteur? Fiasco. Oui, bah, il manquait une lettre. Moi je dis lequel. Si Damien... tu réponds bien, j'annule tout. Oui, bah là il faudra pas annuler des charges sur toi. Hein. Damien et Myriam. Parle un peu plus fort, je t'en supplie. T'as aucune idée? Eh ben, hop, Myriam. C'est une mauvaise réponse, c'est attends, dommage. Mais à qui? Non, pour mauvaise ça. Réponse. Oh putain, mon oreille, Sandro, merde. Bah ouais, mais... Bah oui, mais enfin bon. Mets-le à quelqu'un d'autre. Oh, Festil va pleurer maintenant. Oh là là. Tu sur ta cuisse. Damien. Damien et Roux, vous pouvez vous concerter. Damien. Ouais. Tu ne sais pas? J'ai pas d'idée. Attends, eh ben moi, je te le dis, c'est Chia le bœuf. Voilà. Ouais, je valide. T'es sûr? Ouais. Excusez-moi, je fais les poubelles. Ouais, vas-y. Je cherche un papier que j'ai perdu, merde. C'est-à-dire les réponses. Non, non, pas du tout, hein. C'est juste qu'il va me manquer une question, là. Il me semblait que j'avais... Bon, bah, franchement, vous croyez que je suis un homme qui aime taser? Oui, bah, en l'occurrence, oui. La bonne réponse est Chia le bœuf. Oh, zut. Décharge personne. Waouh, putain, mon oreille encore. Putain. Deuxième question. Deux chiens d'un acteur américain se sont fait renverser par un camion en sortant du jet privé de l'acteur. À qui appartiennent ces kleps? Cette question est compliquée. Mais non. Non. Fais chier que ces chiens. J'ai besoin d'une réponse. Sandro, tu fous de ma gueule ou quoi? Quoi? Allez, au hasard, Damien. Je sais pas. Tu ne sais pas, c'est une mauvaise réponse qui donne une décharge au... Ce jeu est vraiment stupide. Tu peux en mettre encore une, c'est pour toutes les semaines. Toute la semaine dernière, quand tu l'as joué au jeu là. Encore une? Non. Mais je suis. Je soupçonne qu'il mitonne dans le sens où d'habitude. C'est vrai, tu vois qu'il mitonne pas. Mais non, mais d'habitude tu lui mets une petite décharge, il est prêt à te péter la gueule, et là non, il fait ah, il a mal, que, il a mal. Mais ouais, mais parce que j'ai fait le malin, donc je fais rien. Ah bon, d'accord, ok, c'est bien, tu commences, tu grandis. Ouais. C'est beau. Bon, donc du coup, mauvaise réponse. Myriam, tu peux te concerter avec Sandro. Myriam, j'ai aucune idée. Mais ça serait pas Tom Cruise. Tom Cruise, bah écoute, de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Non, alors attends, c'est pas lui. Mauvaise réponse. Merde. Décharge pour Sandro. Ah, je savais bien que t'aimais la douleur, toi. Hein. Voilà, la réponse. Ça a commencé par un T aussi. La réponse était John Travolta. Ah. C'est dommage. On n'aurait pas trouvé. T'as. Question suivante. Une célèbre diva a failli être réduite en cendres lors d'un concert en Égypte. De qui s'agit-il? Bah dis donc, vous êtes pas doué, vous avez pas suivi l'actu people, sarkozienne, tout ça? C'est à vous que le je parle. Le sarko game, hein, on l'aime ou on le quitte? D'accord, ok, très bien. Donc, allez, au hasard. Même quand il joue au sarko game, il joue à la console, la manette elle vibre, ça fait vibrer toute la table. Sauf. Oui. Georges. Bien sûr. Non, non, non, si, je m'excuse. Je m'en branle. Ah moi oh, j'aime bien là, c'est oh, petit, quel rire de merde, quel cri de merde. Ouais, décharge. Ah, ah non, il était moins bien celui-là. Ouais. Je n'en ferai plus, je n'en ferai plus. Très bien. Oui, mais enfin, t'as dit ça toute la semaine dernière. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bon, au hasard, Myriam. Non, au hasard, Damien. Je sais pas du tout. Tout ça pour que l'euro prenne une décharge. C'est dommage, décharge pour euro. Ah voilà. Alors, du coup, tu peux te concerter, Myriam, avec Sandro. Bah, Myriam, savoir, Sandro là. Alors, en diva, il y a Maria Carey, Céline Dion. Ou Whitney Houston. Whitney Houston, elle était en concert, je crois, en ce moment. Enfin, elle est en tournée. Eh ben, on dit elle, alors. On dit elle? Ouais. Ouais. Moi, vas-y. C'est dommage qu'elle n'a rien écouté, parce qu'il y a quelques jours, je disais que, justement, elle avait dû tout annuler, parce qu'elle avait des problèmes de santé. Oui, mais elle peut annuler certaines dates, pas les autres. Hein. La réponse était Maria Carey. Putain, merde. Allez, dernière question. C'est pas fini. Non, mais c'est pas fini, c'est moi qui déjà est en train d'enlever son matériel là. Dernière question, attention. Un acteur américain a engagé une styliste assez particulière. Il s'agit en effet de sa fille qui lui dit quoi porter tous les jours. Quel est cet acteur? Oh là là, Damien et Myriam. Ah, c'est dur tes questions là. Il faut questionner plus pour taser plus. Faut essayer au hasard. Myriam, Will Smith, mauvaise réponse, décharge non, pour Sandro. Mauvaise réponse. Arrête. Très bien. Damien, tu peux te concentrer. Roux, mets-lui une décharge, la plus grosse non, possible. Non, la plus grosse patate. Il a dit qu'il ne referait plus, il était en gros train de jouer. Enlève-moi. Enlève-moi. Je t'ai enlevé. Je parle de ça. La plus grosse patate. C'est bon ça. Ça c'est bon. Et si Sandro le souhaite, on peut remettre le couvert. Non, bon. Damien, oui, on se concerte. Moi je souhaite. Hein. On se concerte avec Damien, on se concerte. Elle a souhaité. Mickaël, mais elle souhaite défoncer, je vais vous niquer tous les deux. Je vous mets des. Non, c'est bon, elle a souhaité. Ah, arrête. Bah non, arrête. Non, elle a souhaité. Moi on m'a demandé si je souhaitais, j'ai dit oui. Elle a souhaité, Roux. Donc Damien, tu peux le concerter avec le Roux. C'est quoi la question? Je l'oubliais avec ces conneries là. Ah oui, le styliste là. T'as pas d'idée? Non, moi j'en ai pas. Ouais bah ouais. Et toi, vois-tu une idée? Bah non, je sais. Ou veux-tu que je réactive tes neurones? Non, non, non, non. Donc c'est une star qui a engagé sa fille comme styliste. Voilà. Une star, donc c'est... Bon, allez. Bah tu veux même pas dire quelque chose au hasard? Tu peux répondre ou pas? Juste bonjour. Allô. Quel est ton prénom? Lady Gaga. Non, elle a pas besoin de styliste, Lady Gaga. Surtout pas de fille. Et en plus, elle a pas de fille. Je sais pas, j'ai envie de dire aller au pifomètre. Bruce Willis, je sais qu'il a une fille, mais. Bruce Willis ? Ouais, je valide. Tu valides ? Ouais. T'as des charges. Des charges. Ouais. Ah, tu l'as laissé là comme t'as l'air. Non, j'ai mis 3. J'ai mis 3. Oui, enfin, il a mis 11 moins 3 égale 8. Ouais. C'est ça. Eh bien, c'était Tom Cruise. Ah merde. Bon, bah, ça fait 1-0. Attends, sa fille, elle a quel âge? Qu'est-ce que je sais, moi. C'est Souris Cruise, l'autre, elle a 4 ans. C'est quoi ce chez père de. Bah, c'est Tom Cruise. Hein. Écoute, t'iras t'arranger avec la personne qui écrit ces questions, c'est-à-dire Pablo, donc je viens de voir auteur, animateur, assistant. Il doit avoir autre chose. Mais non, il a eu des enfants avec Nicole Kidman. Ah oui, c'est vrai, ils sont plus vieux, mais oui, bien sûr. Bon, bah du coup, c'est une victoire pour Damien. Dieu sait que vous ne le méritez pas. Après toutes les décharges que le roi a pris, non. C'est vrai, laisse tomber, il parle pas. Franchement. Damien, t'es là ? Ouais. C'est dingue ça, j'ai cru que non à un moment. Hein. Ouais, bah ouais, non. Ah bah non, bah non. Bon, Damien et Myriam, je vous souhaite comme une bonne soirée. Hein. Et on vous envoie un carton de Red Bull, hein, ça vous fera du bien. Passez une bonne soirée. Au moins, t'es tranquille, il n'y aura pas de dédicace, tout ça. Ouais, ça, c'est sûr. Passez une bonne soirée tous les deux, hein. Allez. Salut à vous deux. Au revoir. C'est on pas grave. On applaudit Micha ou pas? C'est pas grave. De quoi? On applaudit Micha ou pas? Ah oui. Bravo Micha. Bravo. Au revoir. À demain. C'est vrai. Bon, allez, c'est pas grave. On va revenir dans quelques instants juste après la pub avec l'arrivée notamment de Fiction Plane d'ici un petit quart d'heure. Mickaël, le podcast. On est là sur Énergie comme tous les soirs. Et puis bon, comme c'est un peu férié aujourd'hui. Bon, alors je sais qu'il y en a qui ont bossé, puis il y en a qui sont en jour férié. Donc bon, bah en plus on n'a pas eu le temps de le faire vendredi le blind test. Donc on va se le faire ce soir. Petit blind test maintenant. En théorie comme tous les vendredis, mais bon le vendredi ouais, évidemment, il y avait c'est le jeu rattrapage. Du roux. Yeah, oui, c'est ça, session de rattrapage, effectivement, on fait ça maintenant. Et comme tout le monde y est passé, ou presque, il y a eu Sandro, il y a eu Leroux, il y a eu Toff, reste Jack et moi, donc ce soir c'est moi. Allez. Voilà, c'est ça. Sandro qui m'a dit, oui, bon, on va rien trouver. Bon, elle était défaitiste. Hein. Mais oui, mais je sais bien. Depuis qu'elle a plus de cheveux, c'est dramatique. Non, mais c'est vrai, franchement. Depuis que je ressemble à Justin Nozuka. Ouais, un peu. Perds tes cheveux, perds l'espoir. Ouais, c'est ça. Bon, donc du coup, petit blind test ce soir, j'ai fait extrêmement simple. Moi j'ai très peur quand tu dis ça. Non franchement j'ai fait vraiment facile. Trop facile. Ouais, j'ai très très peur. Alors on joue quoi, on met quoi en jeu là? Parce que c'est bon maintenant. Un God Michet. Je te le mets dans le cul quoi qu'il arrive si tu veux. D'accord. Voilà. Je savais que ça te faisait. Le son de la cave de demain. Ah. Le son de la cave de demain. Ça c'est un bon deal. Ouais mais ça j'aime pas. Le son de la cave de tomorrow. Les sons de la cave c'est un peu comme mon compte en banque tu vois. T'en as deux, t'en lâches un. Tu peux en lâcher un une fois par semaine Mike. Ouais mais. Allez. Deux mois c'est les vacances, fais-nous kiffer aussi un peu. Hein. Sous réserve. Sous acceptation de votre dossier. Ouais, sous réserve parce que si c'est moi qui gagne, tu vas dire non, on le fait pas. Non mais pas. C'est pas ça. Si. C'est sous réserve. Non mais si toi qui gagne et que tu mets un truc audible, ça va. Mais genre des trucs Compagnie Créole. Et mais tout je mettrai pas Compagnie Créole, je suis pas ouf. De toute façon, tu vas mettre quoi, Michael Jackson ou NTM? Non. Non, mais il faut que tu me laisses juste parce que moi je connais pas les noms en fait. Ouais. J'ai des sons en tête, mais je les connais pas les artistes et les noms. Il faut juste que je cherche. Ah, va mettre un Jay-Z. Non. Si. Certainement pas. Pourquoi? Ah non. T'as un Jay-Z que t'adores. C'est lequel? Avec le mec là, Maple. Ah oui, mais n'importe Maple, quoi. Maple, c'est le titre c'est pas Jay-Z. Si, c'est Jay-Z et Robin Thicke. Ah ouais, ouais. C'est génial, bon. J'adore ce son. Bon, sinon ça va, c'est pas gagné. Ça pas gagné encore. C'est pas gagné, t'enflamme pas. J'ai découvert ce son à la concurrence et je trouve ça génial. Bon, allez, on y va. C'est parti, premier son. Écoutez bien, on va voir. Facile. C'est donné. Je sais même pas pourquoi je le mets. Ah ouais, c'est donné, ouais. Lost Prophet. Ça c'est Second to Mars. Non mais non. Ah c'est vrai que ça ressemble un peu. Bon. Sandro. C'est peut-être pas le plus connu, j'avoue. Simple Plan. Non. Non, comment il s'appelle? Non, Nickelback. C'est pas lui. Smashing Pumpkins. Bon Jovi. Non, attendez, je vous le remplace. Daughtry, bon yeah. Ouais mais toi tu mets des noms compliqués là. Bah non. Pas mal Roux, pas mal. C'est pas mal Roux. Deuxième, attention. Skip. Côté Love. Non. Enfin, calme-toi, Roux, ça m'énerve. Oui, Hall, ouais. Bonne réponse. Non, celui-là, je le laisse parce que ça, c'est trop. Tu facile. Me le donnes? Bah, je le donne à Sandro. Non, à ce moment-là, il est annulé. Ah non, ça se donne pas. Ah, non, mais ça se donne pas. T'as peur hein, d'avoir la Compagnie Créole en son de la case. Ça ne suffit pas, je te confirme. Et ben, choisir un David et Jonathan. C'est ça, t'as raison, ouais. Attention, je ne mets qu'un tout petit bout. Ah, mais ouais. Ouais, mais arrête de faire ça. Nirvana. Mais non. Sandro. Sandro Cranberry. Skunk Anansie. Non, Skunk. Non. C'est pas Cranberry. Blondie. Non. Non. Skin. C'est pas Skunk Anansie. Non. Ouais, c'est belge. Ah, Case Choice. Case Choice. Bonne réponse. Ouais, mais tu veux qu'on les sorte d'où les noms? Ouais, mais les trucs plus simples, Mike. Bah oui, mais enfin, écoutez, merde. T'as trouvé d'autres trucs, arrête. Mais c'est ouais, ça. Ouais, mais moi, j'ai rien trouvé encore. J'ai trouvé d'autres plus connus, hein. Oui, mais j'ai trouvé d'autres trucs parce que j'ai cité tous les groupes de rock qui existaient avant. Ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. Allez, attention. Next. Merde. Ah, c'est pas mal ce truc. Si, si, attends. Sympa. Nirvana. Non. Non, mais vas-y, mais c'est nul si tu veux. Bah ouais, mais c'est juste pour donner un petit avant-goût. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, bonne réponse. Ouais, mais merde. Oh merde, on va voir IAM comme à chaque fois, putain. Non, chier. Je te promets, je te mets autre chose. Ah bah cool, très bien. Bon alors, attends, j'en ai encore un petit. Bah, moi je propose qu'on fasse. On est à combien là? Sandro et moi contre Toff. Parce que niveau rock, ça fait 2-1. Toff est calé. C'est comme si tu jouais tout seul. Calé. Bon, suivant. Oh, il est bon celui-là. Putain, je suis pas la brune de le mettre. Mais si, ça va venir, tu vas voir. Ouais, en plus, ça vient pas. Spécial dédicace à la coupe des cheveux. Nirvana, Offspring. Non. Offspring. Qu'est-ce que c'était bon quand même. Là, Sandro. Ouais. Sandro, on joue ensemble. Mais je connais pas, moi. Tu c'est pas grave. Des noms comme ça, c'est là. C'est pas grave. Mais des Français un peu. Mais les Forbans ou Superbus ou. Non, je préfère les Forbans. C'est pas du rock. Les musclés, je sais pas. Attends, ouais, c'est bon, tu veux un Français? Ouais. Pas problème. Teuf, Noir Désir. Je peux mettre du Français. Indochine. Non, attendez. The Surgeries. Non. Matière. Non. Je sais pas, j'ai oublié. Le Fofora. Non. FFF. Écoutez, c'est énorme ça. Il y a des Français qui chantent comme ça? Ouais, attends, écoute. Écoutez les paroles. Ah, c'est dur, hein. Ah, Pony, oui. Pony, Run, Run. Run. Bah non, pas s'il m'arrive. Ah, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Écoutez. Ah non, les Berruriers Noirs. Bébé Brune. Mais dans un marais, mais Bébé Brune. Antitrust. Non, ah, vous êtes tous faits, là. Ah oui, bah oui. Plasticine. Mais dans un marais. Mais c'est l'œuf. Non, mais non. Téléphone. Non. Personne ne l'est. Indice, personne ne l'est. Noël dit le seul. C'est moi. C'est moi. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai dit non. Vas-y, j'ai dit non. Vas-y, bro. Ça fait quoi, égalité si je me sens? Ça fait 3-2 pour nous. 3-2, c'est pour lui là. Bon, un petit dernier. Les deux derniers, bah les deux derniers. Bon allez, deux derniers, attends deux secondes, parce que l'autre elle va me faire chier encore là. Oui, mais on connaît pas, personne connaît. Bon attends. Alors c'est bon, j'en ai un. On aurait pu faire 2,5. Ouais bah on aurait pu, bah non, écoutez. The Cure. The Cure. Ah, bien joué. Celle-là elle est bien ça. Ah tu vois, je donne mon avis, hein. Eh ben, à défaut de donner la réponse. Et attention, parce que je n'aime pas que du rock non plus, la petite dernière. Là par contre vous allez chier vos mères, hein, je vous le dis. Pardon. Chier vos mères. Ouais, c'est expression de Mike. Jour ma mère me passe par le cul. Écoutez. Ça va faire mal. Oh ça a l'air pas mal ça. Très bon son si, des années 80. Dépêche-moi. Je peux me permettre. Avec, c'est avec ta tête. Mais ça on va jamais trouver ça. Non mais ça t'es avec une gonzesse là tu. À l'époque hein. Dans ta 205, t'étais sur l'autoroute, t'étais là. En plus ils ont des noms improbables. Avec la voix de Croner là. Oh, laisse tomber. C'est ça, comment tu veux qu'on trouve ça? Enfin tu nous donnes des indices. Ou alors tu mets-en un autre. C'est pas trouvable. Non mais c'est super connu. Oui sûrement. Bah écoute le refrain moi, ça va te parler le refrain. You gotta fight. Ça arrive. Vous voyez pas alors? Ah non pas du tout, je connais même pas. J'ai entendu. De toute façon ils avaient des noms pourris à l'époque, Captain Hollywood Project. Ouais, ouais grave. Oui enfin bon. Frankie Goes to Hollywood. Écoute le refrain, écoute le refrain. Non je vais. Non. J'ai un coup de vieux elle, un coup. Ah ouais ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? C'était William Pitt avec Six Life. Ah oui évidemment William Pitt, oh, putain. Comment on a pas trouvé William Pitt? Non mais attendez, vraiment vous saviez pas? Bah non, c'est non. Merde alors. Putain, j'étais persuadé que j'allais justement être vieux. Non mais William Pitt mec. Ah ouais bah putain, franchement bon bah j'étais persuadé, tant pis hein, c'est pas grave. Allez, un facile alors. Ouais. Ah ouais. Pour terminer. C'est pour le sport, hein, parce que t'as gagné de toute façon. Tout à l'heure, tu dis que tu mets des faciles et. Mais c'est des faciles, putain, je peux pas. Excusez-moi si vous avez pas de culture. Bon, enfin, dernier. William Pitt, quand même. Bah, mec, City Light. Ah ouais, en plus. Oh, ah, ça m'énerve. Ça va m'énerver. Les Beatles. Oh, mais non, mais. Oh, la honte. Je connais. Ah oui, oui, bah mal. D'ailleurs, c'est pas Jimi Hendrix. Attends, parce que le roux, il va. Ouais, Santana. Non, non, il fait comme s'il jouait de la guitare. Jimi Hendrix. David Bowie. David Bowie. Ah non, ouais. Non, mais moi. Ferme ta gueule. Merci Sandro. Ça va... Oh, ça m'énerve. Je vais m'énerver. C'est dingue, ça n'a pas trouvé quand même. Je vais m'énerver, ça va m'énerver. Hey, ton père serait pas fier de toi. Hein. Le père du Rune serait pas fier de lui en ce moment. C'est un indice ou rien à voir? Ah non, pas du tout. Ah d'accord. Bah si, parce qu'il aime bien ce genre de musique, mais enfin, je pense. Je crois que c'est un peu calme pour lui. J'ai fini par passer le disque complètement. Hein. Ah ouais, ouais, ça m'énerve, ça m'énerve. Franchement, moi, je vais faire un blind test le prochain, mais vous trouverez jamais. Mais si. Enfin, mais merde, c'est pas... Enfin, vous connaissez oui, ça, quand même. Oui, oui, oui, non, on connaît. Mais t'as déjà entendu, j'ai déjà mis. Non. Confusion, le titre. Ah non, pas du tout, c'est All Along the Watchtower. Ouais, c'est ça. All Along the Watchtower. Je sais. Allez, vas-y, oh. C'est bon, lance la réponse que ça m'énerve. Il y a un indice, au pire. Shark in the Wall. Non. Jimi Hendrix, mais je l'ai dit. Mais je non, l'ai dit. Tu l'as pas dit. Jimi Page. Sur la vie de ma mère, je t'ai dit. Sur la vie de ma mère, je t'ai dit. Jimi Hendrix, je l'ai dit. Non, ça je l'ai fait, dit avant lui, mais en tout cas. Fois. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on comprenait pas, et qu'on trouvait pas. Oh putain. Ouais. Si, parce que bah moi, si, bah, ça nous paraissait bizarre. Pour le coup, mon père est fan de Jimi Hendrix, alors je connais quand même. Ouais, ah ouais. Ok. Bon allez, voilà, fin du blind test. Je sais pas pourquoi je sens que je ne vais pas le refaire tout de suite. Ah non, en tout cas, je me suis bien amusé à le faire. On va c'est tout dommage. Faire pour que tu ne le refasses pas. C'est ça, ouais. Bon alors, on revient dans quelques instants. Le roi a gagné un disque. Mais on va mettre celui dont on parlait au début avec son Jay-Z. Réfléchis. De toute façon, c'est pas aujourd'hui. Hein. Non, bah demain. Ouais, bon, on verra demain. Ouais. Non mais on va le mettre, mais pas aujourd'hui, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc prépare-le déjà en MP3 et puis on s'arrangera. Bon, on va revenir dans quelques instants, on va voir l'interview aussi de Fiction Plane, Joe, le fils de Sting, qui sera en interview avec tout le monde, hein. Ils sont déjà en train d'installer tout le bordel, tout le matériel, pour faire les lives sur Énergie, ça arrive dans 3 minutes. Mickaël, le podcast. Et puis ce soir, on accueille Fiction Plane. Donc il y a Joe, il y a Satan, il y a Pete, hein, qui sont en train de se balader un petit peu partout, qui viennent donc de sortir leur nouvel album Sparks. Comment ça va? Ah, oh, ça va bien, merci. Hey, il parle et français et tout, hein? Oh, j'ai pas français. Ah, c'est bien. Un sandwich de jambon et fromage. Allez, si on avait su, on t'aurait ramené un petit quelque chose. Un petit jambon beurre. Hein? Comment ça se fait que tu parles français? T'as fait des études en France ou J'habitais ici pour 6 semaines. Ah, seulement 2008. Ouais. Et, mais avant ça, je l'ai appris à l'école. D'accord. Et à cause de l'FM français. Et donc c'était un bel élève. Ah ouais, c'est ça, parce que bon là avec Roux, français mieux que nous même. Hein. Ah oui, parce que on a été avec le Roux entre autres et Sandro au total 4 semaines aux États-Unis. It's very hard to speak in English. Ouais, c'est très difficult. Ouais, enfin, c'est pas plus dur que d'apprendre le français. Ah non, mais le français c'est beaucoup plus dur que l'anglais, hein. Enfin, je pense, non. Je crois que c'est la pire de toutes, le français. T'as tellement de mots qui changent de. Ouais, t'as oublié le japonais avec. Et l'arabe, ouais, c'est vrai. Le japonais ouais. C'est le plus facile en fait. Ah, c'est facile. Ah, tu vois? Attention, Nihongo, Nasimasu, ne. Mais c'est un grand malade. Tu parles japonais ou tu nous as dit de n'importe quoi non, là? Non, je parle un peu. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que j'ai dit que je parle japonais. Ça a été dingue. Watashi wa Nihongo hanashimasu. C'est incroyable. Si la musique ça marche pas, il va trouver du taf facilement. Ah ouais, bah je m'inquiète pas pour lui. Ouais. Alors, il y a d'autres langues que tu parles comme ça? J'ai appris un petit peu de langue de Pays-Bas. Les Pays-Bas. Le dernier semaine. Ouais. C'est amusant. C'est pas exactement une langue. Bah moi, c'est plus comme une malagoche. Ouais, c'est ça. Parce que moi je viens de Belgique, on parle les deux là-bas, le flamand et le français. Non. Lui ouais, et lui aussi, Toff et Jeff, il parle flamand. Mais... Son manager, tout son ordinateur est en néerlandais. C'est dingue ça quand même. Hollandais. Allez-y, fais un petit. The cat licked up the table. Oh là là. Le chat est sur la table. Ouais. Ouais. Tout de suite là, ça. Sur la chaise. Et la souris. Ça casse la gueule, hein, tu vois. Ah oui, c'est mieux. C'est moins romantique, c'est moins sympa. C'est mieux. Ouais, bah tout de suite, effectivement. Ouais. Ça bon. Va, il doit pécho un peu partout. Hein. Ah ouais, bah grave, on s'inquiète pas pour lui de toute façon. Bon, je connais le groupe en fait grâce au single Two Sisters. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson, Two Sisters? Cette chanson, c'est une difficile histoire. Il faut. Ne dire les noms. ça suffit de dire il y avait deux belles femmes dans ma vie. D'accord. Et c'était très très difficile de choisir. C'était deux sœurs ? Non. C'était des jumelles proche, en fait. Assez proche. En fait, t'as fait deux sœurs juste pour brouiller les pistes, quoi, pour qu'elles se rendent pas compte que c'était d'elles dont tu parlais. Oui, c'est plus poétique. Mais ouais. D'accord. Mais c'est bien plus hard, la vérité. Hein. Oui, ouais, il y a quelque chose, les Anglais disent, c'est important ne laisser la vérité être un obstacle d'une bonne histoire. D'accord, que la vérité devient un obstacle d'une bonne histoire. C'est ça. Alors, bon, comme vous êtes anglais, donc on va faire, enfin, je vais dire tu, hein, puisque tu es tout seul. Alors, je sais pas ce qu'ils font en train d'installer le bordel, là. Donc, comme vous êtes anglais, on va faire l'interview The Frog versus The Roast Beef. Ok. Alors, donc, des anglais ou des français, qui sont les plus élégants? Les plus élégants, les français. Les français, ouais. Ok, alors les très bien. Les grenouilles sont plus élégants. Qui sont les plus séducteurs? Peut-être les grenouilles, mais ça dépend. Les grenouilles, c'est les Français. Si on est à l'État-Unis, c'est impossible pour les Français. Ah bon? Si on est où? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce que. Pourquoi? Pourquoi il y a une petite guerre entre les deux avant, mais avec l'accent, le French accent. Ouais. Ça dépend des villes, hein. Il y a des villes, je pense, où ça passera pas du tout. Hein. Ah ouais? Ouais, genre tu vas dans les villes du Texas, je pense que le Texas. Oui, mais voilà. Lui, il parle en général. Oui, c'est vrai. C'est clair que tu vas à San Francisco ou à New York, c'est pas pareil. Voilà. Bon, alors, qui sont les plus alcooliques? Oh, les Anglais. Les Anglais. Ah, oui. Les plus cons? Les plus cons? Oh, je sais pas cette mot. Ah, the most idiot. Ah! Oh, les Français. Eh ben bravo. Ouais, c'est pour vrai. Une fois, le mec, il est en promo en France, mais il est franc. Ouais, c'est vrai. C'est beau, c'est beau. C'est ta langue, hein, c'est ta langue maternelle. Oui, je sais, c'est dur. Qui sont le plus de mauvaise foi? Les Français, ça. Ah, les mauvaises fois, ça va être dur. Les mauvaises fois, je sais pas. Oh, it's when you say something and it's not actually the truth. It's not lying, but almost. Peut-être les Français. Pour les Français, il n'y a pas une vérité actuelle. Il y a toujours quelque chose autre que c'est possible être. Donc il est en train de dire qu'on est tous des mythos, quoi. Mais oui, mais il a raison. Hein. Qui sont les plus fêtards, qui aiment les faire la fête? Oula, une anecdote peut-être te revient. Il faut une traduction, s'il vous plaît. Oh, je crois que je suis fatigué. Pendant chanter la dernière. The ones that party the most. Les Anglais. Les Anglais. Alors, les Anglais gagnent. Until les Anglais... 2 o'clock, not later. Non, c'est à 11h. À 23h, les bars, ils sont fermés. Non. Close at 11? Oui, le bar fermé, mais... Les discothèques, entre, c'est 2h. Entre 10h, 10h le soir, ouais. Et 11h le soir. Il faut boire dehors. 50 beers. Ouais. Faut aller vite. Ouais, ouais. Très très vite. Alors, entre les deux, qui sont les plus sympas? Ouh. C'est difficile. En tout cas, plein de Français qui t'attendent dehors. Hein. En fait, d'habitude, dans un restaurant, les waiters français sont pas sympas. Ouais. Ouais. Sympas de tout. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qui sont les plus connards, donc les Français? Ouais. Ouais. Mais c'est difficile pour moi comprendre. Ouais, parce qu'il a des albums à vendre, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup. En Angleterre, il y a beaucoup de sarcasme. Ouais. Et pour moi, c'est difficile de comprendre qu'on les gens français fait quelque chose sympa, mais en fait, c'est pas sympa. Ils prennent tout à la rigolade, en fait, à chaque fois, et ils pensent que c'est de l'humour, mais voilà. Non, pas du tout. En France, il n'y a pas d'humour. Donc, non. Quand tu vas dans un bar ou dans un café et qu'on te dit « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» C'est pas une vanne. C'est pas pour rire, hein. C'est la vérité. Hein. Les gens sont pas gentils, ouais, quoi. Ouais. Enfin bon, sont pas agréables. Qui sont les meilleurs musiciens? Les Anglais. C'est vrai. Il y a pas photo. Non, mais c'est clair. Qui sont les plus beaux? Les Français. Les Français. Non, Les Français. Bah, c'est comme tu veux, hein, après. Oui, d'accord. Les Françaises. Ok. Qui sont les plus voleurs? Les plus voleurs. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Thieves. Je sais pas. Tout le monde sont voleurs. C'est vrai. C'est vrai. Les deux étaient une bonne réponse aussi. Qui sont les plus drogués? Ah, les Anglais. Okay. Entre deux bières, un rail. C'est ça. Qui sont les plus riches? Les Anglais aussi. Ouais. Les Anglais, oui, c'est vrai aussi d'ailleurs. Ah bah, ils consomment plus. Hein. Et attention, attention. qui sont les meilleurs joueurs de foot? Ah voilà, alors là, ça va être dur. Oui, parce que le championnat anglais, il n'y a que des Français. Alors, hein. On t'a dit attention, attention. Les Français. Ah. Je me suis dit que t'allais parler de cul, mais non, tu parles de foot. Bah oui, mais c'était la dernière. Attends, avec un Anglais au niveau du foot, évidemment. Les équipes nationales, la France est meilleure que l'Angleterre. Ah ouais, mais ouais. Le championnat est meilleur en Angleterre. Ah ouais. Mais tous les joueurs sont français. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est comme ça. Et non, en fait, j'ai dit teste les bleus. Chaque fois j'arrive ici à Paris, j'aime beaucoup les femmes, les gens, les bâtiments. Mais pas les bleus. La culture, c'est de la balle. Mais les bleus. Oh, Pourquoi ils sont les françaises. Il sera comme ça jusqu'à la fin du siècle, je crois. Est-ce que tu connais Zaya? Ah, Zaya. Peut-être que t'aimeras plus les bleus. Zaya. Ça n'a pas été jusqu'en Angleterre apparemment l'info. The prostitute Ribéry went to see. Ah. Parce qu'on a son numéro. I've never met her. Ouais, il ne l'a jamais rencontré. Tant mieux, hein. Enfin, pour l'instant. Après, non, qu'est-ce qu'il veut. On a son sinon numéro. Elle va te ruiner, quoi. Ouais, parce qu'elle veut arrêter les footballeurs, donc peut-être qu'elle veut faire les musiciens. Ouais, mais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a, ouais. qu'il a la fait. Ah, ça, on sait pas, mais. Il a moins de 16 ans ou moins de 18. Moins de 18. Ah, mais il savait pas. Il savait pas. Ouh. Il savait pas. Bon, c'est pas. Bon, c'est pas grave. Bon, votre nouvel album, donc Sparks, vient de sortir. Alors, pourquoi l'appeler Sparks? Il y a une raison? Parce que c'est un nom plus court que notre dernier album. Ça s'appelle Left Side of the Brain. Ah, et oui, aussi, oui. Sparks, c'est comme c'est pour faire un feu. D'accord. C'est une étincelle. D'accord. Ok. Et tu as fait ça pour les Français parce que Sparks, c'est plus facile à dire. Tu vois, faut pas l'accent. C'est Sparks. Sparks. C'est facile. C'est plus facile. Bah oui, facile. À dire oui. Sparks. Sparks. Oui, c'est ça, Left Side of the Brain. Essaye. Lance un album. Ah, comment tu dis? Exactement. Oui. Left Side and the Brain. Non. Off, the left side of the brain. Ouais, parfait. Oh, mais Sparks, c'est plus facile. Ouais, Sparks, c'est plus facile. C'est à cause de ça. C'est vrai. Bon, on a d'autres questions que je vais te poser dans quelques instants. Premier live que vous allez faire, c'est lequel? C'est lequel, à Paris? Non. Which song are you going to play right now? Pardon. Notre première chanson, il s'appelle Push Me Around. Push Me Around. En fait, Don't Push Me Around. Don't Push Me Around. Ok, très bien. Premier son ce soir en live, donc Fiction Plane maintenant sur NRJ. But now I see you wanna study, my son. Talk about how big day without you. Bring the feel when I start to doubt you. Oh, self breath in your lungs. I know you're trying to keep me young. It's your excuse to treat me rough, but I proved to you I'm twice as tough. Oh, it's what I do when I'm I was a little bit scared about all the demons and the snakes out there. What did I know? Only what you told me was true. Beware of these and beware of those. Better shut your eyes, better hold your nose. Oh, oh, oh, oh, oh, little Joe, you can't face the world alone. It's your excuse to treat me rough, but I'll prove to you I'm twice as tough. Oh, let's see what I do when I'm going. You l'instant, Don't Push Me Around sur Énergie. Et toujours avec Joe qui est donc avec nous, Fiction Plane évidemment. Pour ceux qui ne connaissaient pas Fiction Plane, c'est ceux qui avaient fait Two Sister. Two Sister. Two Sister. Ah, je vois pas. Comment ça tu vois pas? Ah non, je vois. Non, mais moi les titres. Tu chantes un bout en fait. Ah, voilà. Mais je sais pas chanter. Allez, on peut faire le refrain de Two Sister. Le refrain c'est. Well, I'm in love with two sisters. No, you don't know. T'es ça. Essaye un peu, Ron. Non, Garou arrête, est arrête. Parmi nous. Oh. Tu chantes bien. Encore heureux. Putain. Encore heureux. Qui chante bien, cela dit. Non, mais t'as reçu... c'est pas toujours le cas. Ouais, t'as reçu des groupes qui chantaient très mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qui c'est qui écrit les paroles et qui a écrit les paroles sur le dernier album? C'est toi, c'est tout le monde. J'écris toutes les paroles. Toutes les paroles et qui compose les musiques? Tout le monde ensemble compose la musique. D'accord, ok. Alors l'album Sparks donc a été produit par Paul Corkett, qui a entre autres travaillé avec Radiohead ou encore Björk. Ouais. Comment ça s'est passé la collaboration? C'est lui qui est venu, c'est avec vous qui êtes allé? Il est un très bon homme et il n'a pas un agenda. Il n'a pas un agenda comme. Beaucoup de producteurs okay. ont un très fort agenda. D'accord. Donc il nous laisse faire la musique et il fait seulement le son. D'accord. Il fait seulement le bon son. Mm-hmm. Et après ça, les chansons et les paroles et toutes les choses comme ça, c'est pour nous. D'accord. Il fait les arrangements en fait, c'est ça? Oui, c'est lui qui réécoute après tout ça. He's doing the mastering, the mixing. Ouais, tu sais ça. Voilà. D'accord, ok, donc c'est lui qui a le dernier mot, quoi. Donc Joe, donc c'est un secret pour personne que t'es le fils de Sting. Est-ce qu'il te donne des conseils pour ta musique? Est-ce qu'il a été là pour t'aider ou t'as fait tout seul sans te servir de lui, entre guillemets? Une fois, s'il vous plaît. moi vite. Donc tu es le fils de Sting. Ouais. Voilà, donc ça tout le monde le sait. Désolé. Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il t'a donné des conseils pour ta musique ou c'est toi qui as tout fait tout seul? Ah, je le fais en seul. D'accord. Et mais nous avons joué avec lui quelques fois. Ouais, en première partie notamment de concert. Première partie, ouais. Mais en fait, la musique est entièrement séparée. Ouais, différent. D'accord. Et pourtant, okay. Tu joues quand même de la basse. Ouais, mais j'ai découvert. Le bass seulement 4 ans passé. Ah, d'accord. À cause de le vieux bassiste à partir. à cause de politique dans le groupe, j'ai décidé que c'est plus facile commencer à jouer de la basse que trouver un autre homme. Ouais. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était génial pour moi. Ouais. Et puis c'est un salaire en moins à payer. Ouais, ouais. Il y a 100 en moins à payer, c'est toujours bien. Moi, je me posais toujours la question, c'est pas chiant pour un chanteur d'avoir une basse, ce qui fait que tu peux pas, enfin sur scène, bouger, tu quoi. Peux pas bouger dans tous les sens. Ah, beaucoup de gens disent que c'est plus difficile jouer le basse que les guitares, mais pour moi c'était plus facile. Ah ouais, parce qu'il y a moins de cordes. De cordes. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de cordes. Parce que j'ai vu aussi le batteur pendant la première chanson, mec, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que le mec, il chante, il tape. Il fait les pieds, enfin il bouge, il regarde, et on a l'impression qu'il est là en train de bronzer, tu vois, il est là, la cool, ouais, c'est exceptionnel. Il joue le saxophone aussi. Ah, il fait du sac, mais pas en même temps, hein. Ouais, le même temps, avec ses pieds. Ah, avec les pieds, waouh, putain, c'est un talent, ça. Et Sting, il a jamais écrit de chanson pour toi, ni rien, c'est vraiment rien à voir. Non, il est trop cher. Par contre, si le saxophone, il chante, oui. L'air, il le fait passer comment? Mais c'est avec le batteur, hein. Mais non, c'est le batteur qui fait, pas lui. Ah, mais c'est le batteur. Chante, le batteur aussi. Oui, non, mais pas tout le temps. Il donne le refrain. Il faut souffler, il faut faire du vent. Oui, bah il faut faire du vent. Oui, oui, donc il reste qu'une seule chose pour faire du vent. Avec son cul, quoi. C'est ce qu'il voulait dire. Oh. Mais non, mais il fait pas en même temps. Non, il chante avec la bouche. Ouais. Il joue avec son cul. Avec le fêté. Ok, d'accord. Okay. Bon, bah parfait. Alors, d'habitude, je pose la question vers la fin, mais comme ça, t'as le temps de réfléchir. Comme tous les artistes qui viennent dans l'émission, ils peuvent choisir une chanson, sauf de leur album. Et pas papa. Ou de leurs albums, et pas papa non plus. Quelle chanson tu voudrais qu'on écoute avant la fin de l'émission? N'importe laquelle. Where is my mind? Le Pixies. Parfait. Parfait. C'est très très bien. En plus, on l'a dans la machine. On mettra ça dans un instant. Bon, donc comme tu es le fils de Sting, d'une célébrité, on va te faire dans quelques instants aussi l'interview héritage. Alors, on va te donner un nom et tu nous dis ce qu'il t'aurait transmis si t'étais son fils. Enfin, leur fils en l'occurrence. Ouh. You got that? Non. On va traduire. Well, we're gonna give you a name and you're gonna have to tell us what would be your heritage if you are this guy's son. Okay. Okay. Alors, on va commencer, on fera la première partie maintenant, on fera après la pub le reste. Keith Richards. Keith Richards, j'ai trop bu. Prince. Je ne suis pas né. C'est vrai. Alors, plus dur, attention. Peter Doherty. Peter Doherty. J'ai trop drogué. J'ai pas. J'ai jamais fini à chanter une chanson. Alors, ça c'est pas vrai. J'ai perdu mon guitare. Tu le connais, Peter Doherty, ou pas? Non, parce qu'il est venu un jour, il était assis à ta place là d'ailleurs. Pas longtemps. Ici, dans le 7-6. Non, là, juste à côté. Et il s'était. Et en fait, il est arrivé, donc il est rentré, il s'est installé sur le canapé noir là, et il a dormi. Et il s'est endormi, voilà. Il a aussi travaillé avec Paul Coquette. Avec Paul Coquette. Ah oui, d'accord. Ah, okay. Producteur. Ah, il a bossé avec lui. Ouais. Enfin, il a travaillé avec lui. Ah, bah, donc. Après deux mois, je crois, pas d'enregistrement. Tu m'étonnes. Bon. Les chaises étaient en feu. Ah oui, le contraire m'aurait étonné. J'ai mal. Bon, si tu étais le fils de Nicolas Sarkozy. Je crois que ma belle-mère, ouais. C'est de la balle. Je veux niquer la belle-mère de mon père. D'accord, ok. C'est Oedipus. Le message est passé, d'accord. J'en ai encore quelques petites questions qu'on va faire dans un instant, juste après la pub et juste après le deuxième live. Ce sera quoi? Il s'appelle Out of My Face. Out of my face. Ok, on fait ça dans un instant, juste après la pub. Mickaël, le podcast. You. De plus en plus d'artistes viennent en full live, ça me fait plaisir. Parce qu'au début c'était un peu emmerdant, hein. Personne voulait venir, c'était trop de problèmes, il fallait déplacer toute la guitare, la batterie, etc. Et là je n'ai rien demandé. Est-ce que c'est toi qui as voulu venir jouer en full live? On t'a demandé ou comment ouais, ça s'est passé? Nous le préférons. Ah bah moi aussi, hein. Ouais, parce ah bah, c'est avec bien. La guitare acoustique c'est un peu. Bah ouais. C'est chiant, hein, c'est tout plat quoi. Enfin ça dépend quel morceau mais. Bon. Ah non mais là heureusement c'est mieux que. Ouais. Et même le roux a aimé, pourtant Dieu sait qu'il est emmerdant. Ouais, non mais je trouve ça génial. Tu vas acheter l'album? Ouais, le précédent était vachement bien aussi. Ouais, le précédent était bien aussi. C'est bien des places de concert. Le précédent qui s'appelait comment? Left Side of the Brain. C'est ça? Félicitations. Ouais, merci. Bravo, pas mal. Bon, on était toujours dans notre interview un petit peu bizarre. Donc si tu étais le fils d'une célébrité, qu'est-ce qu'il t'aurait transmis? Donc l'héritage, l'interview héritage. Michael Jackson. Oh, c'est pas bon. Tu penses qu'il est vraiment mort ou pas toi? Je pense quoi? Qu'il est vraiment mort. Non. Ah non, tu crois pas? C'est vrai. Il habite avec moi. Sur la terre. Ouais. Eric Cantona. Eric Cantona. Pourquoi tu as quitté le football? Il venait vieux. C'est, oui, bah oui. Pour faire de la peinture. J'ai vu tes films. John Lennon. Oh, c'est un plus grand problème pour lui. Oui. Moi. Je suis désolé. Sting. C'est le pire. On n'est jamais content de ce qu'on a, hein, ouais, c'est vrai qu'il arrive. Margaret Thatcher. Au moins, c'est pas possible d'être pire que ma mère. Le prince Charles. Le prince Charles. Il n'est pas ma père. C'est ma mère. Il est un autre homme avec le chevreau rouge. Bono, U2. Bono, U2. C'est peut-être c'est exactement le même que ma vie. Ah, c'est le même, d'accord. Bob Marley. Sa drogue. Non, je suis dans un groupe de naissance. Dans un groupe de naissance? Ouais, ouais, le Marley. Ah. Et le nom. Alors, Jimi Hendrix? Je suis très vieux. Ah oui, ça c'est sûr. Et enfin, pour terminer, Ozzy Osbourne. It's a fucking nightmare. C'est un putain de cauchemar. Très bien. Bon, vous avez joué aussi en première partie des concerts donc de Sting, on en parlait tout à l'heure. Comment ça s'est passé? C'est lui qui a demandé? C'est toi qui a dit papa, tu peux me rendre un service? Ou ouais, on est un peu en galère. Il nous avons demandé et nous avons décidé, c'est impossible de choisir ouais. de le faire. Oui, d'accord. Et à cause de ça, nous arriverons à Paris donc. C'était une bonne décision. Oui, bah ça c'est sûr. Ouais. Et il y a aussi pourquoi avoir appelé un de vos titres Russian LSD? Pourquoi? Oh, c'est inspiré un livre vrai. Qui s'appelle Master and Margarita. Mm-hmm. Bulgakov c'est russe. Ouais. C'est un très sérieux livre. D'accord. Et ensemble dans le salle de répétition, nous commençons à jouer cette chanson avec improvisation. Mm-hmm. Et je crois immédiatement c'est le morceau de cet livre. Mmh. Il c'est un bon d'origine. Et aussi le style russe, c'est. C'est putain fort. Le style russe, c'est mieux. Alors donc ça aussi c'est mieux qu'en France. LSD? Ouais. Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas, moi. Ah, bah, tu j'ai jamais pris, moi. T'as jamais essayé? Ah non, non, non, non. Tout ce qui est chimique, non. D'accord, ok. Pourquoi? C'est génial. C'est pas dangereux, c'est pas de tout. Il y a aussi un truc, c'est donc Tof qui est dans l'émission, qui nous raconte tout le temps que la première fois qu'il a fait l'amour, c'était dans un bus londonien. Est-ce que là, quand on est en Angleterre aussi, c'est un fantasme ou du coup c'est devenu n'importe quoi et tout le monde s'en fout? Peut-être traduire, parce que là je pense que c'est plus compliqué. He wonders if for an Englishman it's also a fantasy to have sex in an imperial bus. J'ai jamais croit de ça. il le croit pas. Ouais, le grand bus rouge. Ouais, oui. Ouais. Maintenant, c'est un fantasme. Ah, c'est... Non, merci pour ça. je m'ennuie ce matin, donc. Écoute, bah, si tu veux, j'ai quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est ça. Tof, la feuille peut donner des conseils. Plutôt devant, derrière, en haut, en bas. Maintenant, il y a des caméras. En fait, ce qui est chiant, c'est maintenant il y a des caméras partout dans les bus londoniens. En fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est beaucoup plus, enfin c'est beaucoup moins discret, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, écoute, tant pis. Hein, t'as plus de risques d'avoir les flics qui t'attendent en bas du bus. C'est vrai. Donc t'as le temps. Un arrêt, quoi. C'est pour les Français, est-ce que c'est un fantasme pour faire du sexe sur la Tour Eiffel? Sur la Tour Eiffel, bon, je sais pas, non. Quand même, pourquoi si, pas, ouais. Ah, je sais pas. De se suicider de la Tour Eiffel. suicider, mais au même temps, on peut faire du sexe. Ouais. Pendant la chute, quand même. Hein. À cause de. C'est un mal comparaison avec ta bite. Pendant la chute, ça reste quand même rapide, mais bon. Bon, donc Sparse, donc c'est le nouvel album. Est-ce que tu travailles déjà sur le suivant? Non, pas encore. Parce que nous fait une grande tournée. Commence en septembre. Mm-hmm. Mais nous avons fait un concert avec Julie Lewis cette samedi dernier. Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est ça. Et, ouais. Et Julie et Lewis qu'on a reçu d'ailleurs aussi la semaine dernière. Qui était là, à la même place que toi. Ouais. Mais non, nous avons beaucoup d'autres travail pour faire avant de commencer le nouveau enregistrement. Bah déjà, il y a une petite tournée là en France, puisque tu seras à Lille. Enfin, vous serez à Lille le 26 septembre. Il y a Montpellier aussi le 28 septembre. 26, j'ai dit au premier. Toulouse au Bikini, c'est bien aussi, 1er octobre. Il y a Bordeaux aussi ensuite. Il y a Rennes, il y a Paris et la Cigale le 4 octobre. Où vous pouvez déjà choper vos places. Donc, Roux, 4 octobre. Oui, moi, je veux bien deux places. C'est, ouais, bah, 40 euros, je crois. Mais à peu pas près. De problème. Tu lui offres? Tu lui offres? Tu lui offres? Ouais, je l'offre. Il faut parler avec cette condom. Oui, okay, est-ce qu'on peut me la chercher d'ailleurs, la demoiselle de la maison de disque là? Parce que bon, je voudrais savoir s'il était possible. Parce que à chaque fois, je demande si on peut offrir des albums aux auditeurs. On va demander. Ah, elle vient pas. Oh là là. Combien est-ce qu'on pourrait offrir d'albums aux auditeurs? He's gonna try to negotiate to have some albums to give away to our listeners. Cool. Ouais. According to you, how many could we give away? 5 millions. 5 millions. Parfait. Ah, ça va être plus compliqué qu'avec... je pensais que c'était la fille, moi. Je suis désolé, j'ai fait des promesses, mais c'était seulement pour s'amuse. Bon, combien d'albums on peut offrir? Sparks, évidemment, le nouveau. Hein. Il a dit 5 millions. Bon, je pense qu'il s'est un peu emballé. Half of what you sold. 5 millions, mais je ne parle pas français, donc c'est... Ouais, ah bah bien sûr, il a prouvé qu'il parlait pas bien français. C'est combien? 5? Combien l'album? C'est 5 fois par semaine, donc 2 par soir. 10? 10? Enfin bon. Non, même Juliette Lewis, la semaine dernière, on a filé 25. Eh ben parfait, alors c'est bon. Là. Allez, 50, faut montrer que vous êtes mieux, quoi. Merde. C'est ça, je veux dire, l'Angleterre, c'est mieux que les États-Unis là. Hein. Regardez, il faut pousser un peu, là. Allez. Mais Juliette a fait du cinéma, c'est différent. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est mais vrai, c'est vrai. Le fils de Sting. Oui, c'est vrai. Ah bon? Il a qu'à demander à papa de payer les albums, merde. Allez, pour combien pour le principe, 30. D'accord. Fait, allez, 30, hop là, c'est parti. 30 albums. 30 donc, 30 albums de Fiction Plane, donc Spark, si vous voulez choper ça. 612, débuté par Énergie. Puis vous mettez, qu'est-ce que vous allez mettre? Fiction. Voilà, avec vos coordonnées complètes et votre numéro de téléphone. Et puis dernière question, Polo du Polo Show qui est ici derrière, qui a une émission qui dure 2 minutes juste après la mienne. Et donc tous les artistes qui viennent font un petit jingle pour le Polo Show. Je sais pas si tu as un exemple éventuellement ou pas. Ah voilà, un exemple. Hey, how's it going? We're called Muse. You're listening to the Polo Show. Voilà, donc il faut dire po Polo Show. Ok. Voilà. Si c'est possible. Attention, Polo valide. Po, Polo Show. Oui, ouais, c'est ça. C'était la pratique. Bonsoir, bonjour, bon matin. What is it? Comme tu veux, comme tu comme veux. Bon vie. Allô, nous sommes Fiction Plane, tu écoutes le Polo Show. Bah voilà, parfait. Parfait. De la balle, merci beaucoup. Voilà, c'est parfait, ouais. Bon voilà, album de Fiction Plane donc à gagner. Et puis bah, si vous voulez des infos, vous pouvez regarder sur internet aussi au niveau des dates des concerts un petit peu partout en France de Fiction Plane. Merci à toi Dieu d'être venu. Je vous en prie. Et puis merci d'avoir joué en full live, ça fait plaisir. Et d'avoir fait toute l'interview en français. Ah, bravo. Merci, bravo. Un plaisir. Bravo à toi. Et puis bah, bonne chance pour la suite. Et puis tu reviens quand tu veux. Hein. Merci. À bientôt. A bientôt. Voilà, Roux, n'oublie pas les places. Oui, les places. Les places pour le concert, bien sûr. Mickaël, le podcast. Et puis, chérie, je t'ai fait cocu maintenant avec Anthony qui est là. Bon, Anthony, on va appeler ta meuf. Ouais. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sophie. Sophie, très bien. Elle est plutôt du style à se vénère ou pas? Oh oui. Ah ouais. Bon, très bien. Il y a une PS3 en jeu, alors fais pas le malin. Ça roule. Ok, on va l'appeler. Okay. Et alors, c'est quoi l'histoire? Tu veux lui faire croire quoi? Bah en fait que j'étais voir une ancienne copine à moi que j'ai rencontrée donc. Je croyais dire parce que j'étais voir une prostituée et que c'est Sandro qui a joué le rôle. Bon d'accord, vas-y continue ouais. Et donc en fait il s'avère qu'hier j'étais chez elle et puis quand on est passé à l'acte quoi. Ouais. D'accord, et ok. Et puis en plus donc je lui ai offert un collier plaqué or. Plaqué or. D'accord. Ouais. D'accord, ok. C'est tout bien. Ce que je mérite. La pétasse de base. C'est vrai que t'aurais pu. Non, mais il n'y a pas de souci. T'aurais pu mettre un truc mieux. Non, ça aurait pu être un collier en pâte que je l'aurais pris avec plaisir. Non. Pour le mettre dans ma poubelle. Et un collier en Nutella, elle aurait pris encore plus de plaisir à le prendre, hein, je te le dis direct. Mais bon. Bon, on y va, on l'appelle Anthony. Et avec la crêpe chantilly, elle aurait plu aussi. Oui, Nutella chantilly, bien sûr. Oh, j'ai vu tout à l'heure, c'était tout près de la radio, là, une crêpe Nutella coco. Où ça? Juste à côté de la radio, là, le nouveau truc qui est ouvert. Ah, on en a parlé, mais je vois pas où c'est. Ah bah. Ah, c'est vraiment à c'est côté. Juste à côté de la radio. Ah, j'ai pris une photo. Le délice café, hein. Ouais. Ah oui. Et Nutella, en plus, elles sont gigantesques. Ah non, mais je traverse, hein, je change de trottoir à chaque fois que je passe par là. Ça fera plaisir au mec, tiens. Bon, on y va, Anthony, on l'appelle, ok? Ça roule. Allez, c'est parti, bonne chance. Au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec la PS3. En revanche, si elle pleure, c'est perdu. Ok. Allez, bonne chance. Comment ça, il s'appelle comment lui? Lui c'est Anthony, elle Anthony. C'est Sophie. Allô? Ouais, Sophie? Oui. Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va, c'est qui? Ouais, bah je voulais te dire, parce qu'en fait, tu vois, je voulais pas te le dire en face, je préfère te le dire par téléphone. Oui. C'est qu'hier, tu vois, j'ai rencontré une ancienne copine que j'ai rencontrée donc justement hier à la baie Grégoire. Oui. Et donc hier, j'étais chez elle, et puis voilà, je suis passé à l'acte. Comme ça. C'était ça que tu voulais dire? Ouais, un peu, ouais. Ok. Ok, bah, mais, très bien, bah là je vais chez Carrefour, hein, t'as besoin de quelque chose? Je suis désolé quoi, j'avais pas me contrôler quoi. Je t'excuse de merde. Ok. Donc ça veut dire quoi? Tu peux bien me résumer s'il te plaît? Bah en fait, elle est enrubée. En plus elle est enrubée là-bas. Moi voilà, c'était une copine. Bon, elle est heureuse de me revoir. Mais c'est le problème, moi je pensais pas qu'on allait passer à l'acte quoi. Ouais, oui. Tu attends quoi de beau? Je sais pas, tu me pardonnes de ce que j'ai fait quoi, je refais rien. Et donc tu veux rester avec elle? Bah là ouais, je suis chez elle pour le moment. Ok, comme elle t'a donné le sexe et que moi je t'ai pas donné. Elle a un rhume. Hein? J'ai pas compris. C'est que elle t'a donné le sexe et que moi j'étais pas donné. Je t'ai pas donné, donc tu la préfères que moi. je comprends rien non plus, hein. Je t'avoue que c'est compliqué. Hein. C'est juste, tu vois, c'est juste que je voulais juste savoir. Non mais j'ai pas dit ça, faut pas croire Sophie. Attends, moi. Bon voilà, okay. je peux rien peut-être. Ok, bon merci de m'avoir au téléphone. Non mais attends, moi j'ai pas fini quoi. Ça va être un drame. Et moi de ce côté-là. Oui, t'as pas fini. Attends, au lieu de gâcher tes crédits là, tu viens me voir, après tu me donnes le crédit là-bas, je vais appeler ça n'importe. Hein? Au lieu de gâcher tes crédits là. Tu viens me voir en face, tu me dis, et mais lui, il comprend pas. Hein. Non, je préfère te le dire par téléphone parce que quand je suis en face, chaque fois, il y a trop de monde. Donc tu vois, c'est... Oui. Donc, oui. Voilà. Oui. Maintenant, moi, bon. De ce côté-là, je peux pas faire plus, quoi, voilà. Bon, chérie, c'est bon, là, tu lui as dit, tu peux raccrocher maintenant. Hein. Oui, j'arrive. Bah ouais, mais bon, ça va, 5 minutes, quoi. Ouais, mais bon, attends, je peux lui en parler, quand même. Elle est en train de pleurer? Non. Eh ben voilà, tout va bien. Bah ouais, mais bon, tu vois, je lui explique, mais... Elle a quelque chose à ajouter, chérie, peut-être? Bah, je sais pas, tu veux que je te la passe aussi? Quoi? Bah, elle veut me parler, hein. Pourquoi tu veux la passer? Bah, je sais pas, qu'elle t'explique un peu. Ah, mais tu te fous de moi ou quoi? Attends, je la passe. Allô? Attends. Allô? Ah merde, elle est partie. Oh. Elle a pas aimé ta voix, Sandro. Hein. C'est normal. Hein. Ah ouais, non, ça n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Bon, on rappelle. Ouais. Ok, on y va, c'est parti. Bon, pour l'instant, t'as pas gagné parce qu'elle s'est pas énervée. Hein. Je prends moi, là. Ah ouais, là, tu prends, ouais. Tu commences à la chauffer un peu. Hein. On y va, on rappelle. Bah, Allez. Bah, je sais pas, tu diras, tu m'as raccroché au nez, c'est quoi son salope. Nom Sophie. Sophie. On y va. Sophie, tu m'appelles comment, moi, Estelle? Tu appelles comme tu veux. Ça va être le répondeur, ça a plus le répondeur, ça. Merde, attends. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, ça se fait pas, franchement ça se fait pas. Un petit célibataire en plus sur le marché. Ouais. Voilà. Tony, c'est dégueulasse ce que tu fais. Hein. Et une célibataire en plus sur le marché aussi. Tu m'engraines dans tes embrouilles. Hein. Bon, attends, on rappelle. Ça pue le répondeur, ça. Là, j'applaudis Micha, je me prépare. Ça chauffe. Je me prépare. Hein. Oh oh. Vous êtes le... Eh ben voilà, bravo, c'est bon ça, dis donc. Bon ben Anthony, on te tape la bise. Ben on va souhaiter une bonne soirée, on va souhaiter bon courage, on va surtout te dire que t'es célibataire et puis on va. Parce que nous on va plus la rappeler là, même Michel va pas rappeler hein. Non, si quand même. Non mais j'ai expliqué, y a pas de soucis. Ouais mon cul. Ouais. On essaye dans 20 secondes quoi. Ouais Anthony. Malgré que j'ai perdu, est-ce que tu peux nous envoyer quelque chose pour au moins pour elle? De quoi comme en cadeau? Je t'ai envoyé un pins parlant Micha. Et fait, oh oui, mon faubon. Oh mais oui, mon faubon. Non, c'est Micha lui-même, on l'accroche sur un, ah ouais, ah, mais sur un badge et on l'envoie. C'est un putain de pins. Avec des capotes, les photos dédicacées, y a pas de soucis. Oh, écoute, je sais pas si... Bah, oui, capote dédicacée. Ouais, pour Sophie quand même. Ouais, pour Sophie. Allez, essaye vite un coup, voilà. On va essayer. Et on lui dit. Bon, attends, je vais quand même réessayer. Attends, on va réessayer. De toute façon, ça nous la flinguer là, le chéri cocu. Je te dis direct. On y va quand même. Non, ça pue le répondeur. Elle est là, elle pleure, t'es vraiment un chien. Elle a éclaté son téléphone contre le mur. Bah peut-être, qui sait. Ou alors elle a plus de batterie en fait. Tout. Là ça sonne même pas. Ah non, là ça... direct ça va être le répondeur, tu vas voir. Ah, et voilà, machin. Bon, on peut pas dire qu'on s'est pas battu. Voilà, on a essayé trois fois, Micha va rester dans un instant, et puis bon bah on verra bien quoi. Bon ouais, Anthony, ouais. Eh ben merci d'être venu hein. Bah, on nous a flagué le vendredi donc. Hein. Ouais, ouais. Bon allez, salut Anthony. Salut, ciao. Allez, à bientôt. Bon, bah c'est ce qui s'appelle une lose, hein. Et ouais. Une bonne. Et pourtant, Michel était fier. Ah ouais, mais enfin, j'ai un cocu. Bah, en plus, Sandro participe. Si la meuf s'est mise sur répondeur, c'est même pas de ma faute. En plus, Sandro participe. Bah oui, mais enfin, bon, ça va bien se passer, tu vas voir. Ou alors, il le fait exprès de les foirer, exprès pour pas devoir prendre les coordonnées des gens. Si elle s'est mise sur répondeur, c'est pas de ma faute, merde. Attends, ça se trouve, t'étais dans les chiottes, tu t'es fait passer pour la meuf, on a rien capté. Et maintenant, tu t'as raccroché exprès. Putain, je rappellerai pas. Espèce d'escroc. Bah alors, là, mec, tu vas voir ça. Mickaël, le podcast. Mac du jour maintenant. Allez, bah c'est parti, on y va. Bienvenue à tous dans ce Mac du jour, un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce. Et on attaque avec ce premier titre dans l'actu, avec le dossier brûlant évidemment, les apéros Facebook. De plus en plus, la France se dirige vers une interdiction de ces petites sauteries. Ouais, après la burqa, c'est le nouveau petit sujet sur lequel tous les politiques ont un avis. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Alors même si tous sont plus ou moins d'accord pour les interdire. Hein. On l'a fait la vanne sur le seul homme politique qui est contre l'interdiction des apéros ou pas? Non, c'est pas nécessaire, on a tous compris. Ouais. Bref, comme pour la burqa, la Belgique sert un petit peu d'exemple, évidemment. Chez nous, ce sont les marques de bière qui organisent ces apéros. Maas, par exemple, donne rendez-vous sur Facebook et arrose les gens présents sur place. Encore une preuve que les Belges ont une longueur d'avance. Eh ouais. Oh, t'as raison, ouais. Bah, dans 20 ans, tous les pays du monde seront divisés en deux. Tout le monde couchera avec ses enfants. Oh. Aura un cul de 4, une alcoolémie 12 et parlera avec un accent bizarre. Waouh, j'ai hâte. Tu me fatigues, gros. Qu'est-ce que tu me fatigues? Va retourne jouer, tiens. D'accord. Non, c'est bon, c'est une vanne. Bon, on continue avec la science. Maintenant, plusieurs études sont tombées et parlent de sourire. Alors, selon une première étude menée par des Américains, les gens qui sourient sur leurs photos du livre des élèves de dernière année de lycée ont moins de chances de divorcer. Oh là là, mais ils ont que ça à foutre, les chercheurs. Oh, hein. Attends, c'est pas fini. D'autres chercheurs ont analysé les photos Panini des joueurs de baseball américains. La sentence est fatale. Plus tu souris, plus tu vis vieux. N'importe quoi. Oui, bon, enfin, c'est ton avis. Hein. N'empêche qu'en Chine, ils prennent ça très au sérieux. Du coup, ils ont créé un programme qui te prend en photo et qui te dit si tu souris assez ou non. Et donc, c'est surtout pour les gens de l'hôtellerie et de la restauration. Apparemment, plus les serveurs sourient, plus l'établissement gagne de l'argent. Ah, c'est pour ça qu'ils voulaient pas virer la TVA, les cafés parisiens. Ah bah, et peut-être. Bon, en tout cas, voilà, il faut donc sourire. C'est tout bénef. Hein. Allez, souris, Sandro. Voilà. Non, souris mieux, regarde. Avec la bouche bien ouverte. Voilà, pense à tes cheveux. Ah non, vas-y. Souriez, Toff, en roue. Voilà. On n'est pas beau. Oh, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Bon, Jack, vas-y, à toi, c'est souris. Cheese. Non, c'est bon. Bah, c'est peut-être bon pour ta santé, mais c'est dangereux pour nos yeux. Va, laisse tomber. C'est mal. Hein. Oh, ça va. Allez, fais le cours du jour là pour te redonner un petit peu le moral. Tokyo Hotel, le cours du jour donc. Non, j'aurais pu, hein, vu que le guitariste a fait une overdose de Viagra, mais là c'est un autre Allemand, mon cours du jour. Oui, et d'ailleurs pour info, effectivement, c'était dans Tokyo Hotel. Merde, c'est le guitariste hein, qui a fait une overdose de Viagra, c'est dingue quand même. Donc les Allemands, hein, ils sont pas trop du genre à rigoler. Hein, ça vous aura pas échappé. Déjà. Non, ça on a bien remarqué. Hein. Et puis les Allemands, ça aime beaucoup les voitures. En même temps, la bière aussi. Mais... Ouais, c'est normal vu qu'ils ont les meilleures caisses du monde, donc logique. Bref, mon con du jour est donc au volant de sa Porsche, flambant neuve et surtout toute propre. Mais en général, les gens qui ont des Porsche la lavent souvent. Ah ouais, mais c'est normal, un peu de respect quoi. Tu vois. C'est rare d'en voir une dégueulasse quoi. Propre. Par contre, des 4L, tout ça. Oui. Donc il est 8h du matin en Allemagne, mon Allemand se rend au travail et sur le chemin, deux gamins allemands eux aussi s'amusent, et décident de jeter des pissenlits sur la voiture de mon con du jour. Ah non, ça se fait pas, tu fais pas des pissenlits sur une Porsche. Ça lui a pas plu du tout. C'est marrant parce qu'en France, ils font pareil, mais c'est des vrais cailloux quoi. Des pavés. Ou des cocktails Molotov. C'est des pavés, con de merde. Hein. Du coup, ça lui a pas plu du tout et il a embarqué de force les deux gamins et les a amenés directement au commissariat. Sauf que jeter du pissenlit, c'est un crime nulle part, hein, même en Allemagne. Forcément. En revanche, séquestrer deux enfants dans sa voiture, c'est très sévèrement puni, même en Allemagne. C'est ça. Résultat, mon con du jour aura probablement bientôt plus les moyens de mettre de l'essence dans sa Porsche. Ah, t'imagines la violence, le mec était vénère, il prend les gosses, il est fou dans la voiture, il va les déposer chez les flics. Et finalement c'est lui qui prend une... Bien fait pour sa gueule. J'espère qu'il les a pas mis dans le coffre. Oui, bah, j'espère aussi, effectivement. Bon, on passe maintenant au sport. Football. Vous le savez, n'est-ce pas Sandro? La Coupe du Monde 2010 approche. Oui, on est pressé. Et parmi les équipes qualifiées, il y a la Corée du Nord. Wow. Ah bon, ils ont le droit de jouer au foot là-bas. Oui, bah alors en revanche, les habitants n'ont pas le droit de quitter le pays. Hein. Mais ils vont faire comment les supporters alors? Bah ils vont pas faire en fait. Hein. Les autorités nord-coréennes donc, ont décidé d'envoyer 1 millier de Chinois pour remplacer leurs citoyens à la Coupe du Monde. Ah bah, c'est une bonne nouvelle ça. Comment ça? Bah c'est enfin un tabou qui saute, ils sont enfin d'accord avec nous pour dire que tous les gens aux yeux bridés se ressemblent. Bon et puis foot toujours et politique. En Suède il y aura des élections en septembre et les sociaux-démocrates sont bien décidés de les gagner. Pour ce faire ils ont un programme en béton, c'est le cas de le dire. S'ils remportent les élections ils érigeront une statue de Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic, ouais, la star du pays. Et oui c'est ça, donc ça risque de donner des idées à d'autres. Hein. Ouais, enfin Marine Le Pen a déjà bien jeté en l'air l'idée d'une affiche Ribéry à Bologne. Donc, Mais en revanche à Paris Ouais et puis à côté de celle de Jeanne d'Arc, ça lui fera du bien cette pucelle. Merci Toff pour toute cette poésie. Oh, je t'en prie. Bon allez, sur ce mag du jour touche à sa fin avant d'y mettre un terme. Comme tous les soirs, on se fait le quiz des citations, pardon. A votre avis, qui a dit « J'ai couché avec Kate Moss, elle n'avait même pas pris de drogue » La femme de Nirvana. La femme de Nirvana. Nirvana étant... Kurt Cobain. Étant un monsieur. Elle s'est tapé les deux autres gars du groupe, c'est pour ça. C'est vrai. Ça m'énerve parce que j'ai toujours en tête les visages et jamais les noms. Ah, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Elle a une sale gueule, elle, en plus. Ah, oh, grave. Skinny little bitch. En plus, elle a une sale voix aussi. Hein. Ah oui, je confirme. Bon, Courtney Love, bonne réponse. Deuxième question. Pour draguer, j'utilise ma voiture, un petit tour sur un parking et tu es bien. Toff. Non, c'est pas Toff, non. Mais il aura pu. Hein. Michael Schumacher. Non, donc pour draguer, j'utilise ma voiture, un petit tour sur un parking et tu es bien. Et c'est négo vous. C'est désolant à son âge de dire ça. Oui. C'est un vieux. Enfin, c'est soit il est jeune, soit il est vieux, hein, vu ce qu'il a donné comme indice. C'est un jeune. Ouais. Michael Vendetta. Non. Non, ouais, voilà, mais ça serait Vendetta, ça serait pas choquant. Mais c'est pas Vendetta. C'est un peu comme Jordi, quoi, tu vois, à l'époque. Ouais, Justin Bieber. Hein. Justin Bieber, effectivement, bonne réponse. Alors, c'est dingue, il a le droit de conduire. Bah, il a surtout le droit de draguer. C'est 16 ans, hein, le permis de conduire. Ouais, c'est vrai, putain, c'est ski, Josué. En même temps, il parle de conduire dans un parking. Hein. Ouais, génial. Ouais, mais je comprends pas, parce que dans cette interview, en fait, là, c'était en radio, une interview radio qu'il avait répondu ça, et on lui a dit, ouais, l'animatrice, elle lui a dit, ouais, t'as des belles lèvres. Il dit, je vois pas de quoi tu parles. pense qu'il est chez père, le gamin. Non, mais il faut passer en plus, on lui a fait une remarque en plus par rapport à draguer, je sais pas quoi. Putain, sa mère, si elle avait eu des flingues dans les yeux, on serait tous morts aujourd'hui. Attends, ah bon de ouf. Ah ouais, grain, ah ouais, je pense, ouais. Bon, qui a dit la dernière question donc? Quand j'entendais le générique d'Histoire naturelle, je croyais que c'était un film érotique, alors je partais en courant pour ne pas voir les images. Michael Vendetta? Non. Justin Bieber? Je sais aussi, je le garde pour moi. Non, pas Justin Bieber. Non, Justin Bieber, il a pas Histoire naturelle chez lui. Enfin. Non, mais la version américaine. Ah, non. Natural Histories. Yeah. Yeah. Yeah. Non. Course. Non. Fish and Chips. Non. Petit indice, Toff croyait que toujours le poids levé, ça parlait de cul aussi. Amel Bent. Ah oui, Amel Bent. C'est facile. Ah là, bah oui, c'est facile. Oui, mais oui, avec la... grâce à l'indice. Bah ouais. Oui. Et le roux, t'avais trouvé réellement? Moi j'avais Amel Bent, ouais. Les trois aujourd'hui, je les avais. Et comme par hasard, il était bon joueur, il n'a pas trouvé, il a laissé gagner les réponses. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il est classe, un mec comme ça, moi. Mais ouais, c'est ça, t'as raison. La classe américaine. Ouais, mais oui, la classe américaine. On va rien lui dire quand il jouera avec le jeu vidéo, mais il crève, hein. Ah ouais, il crève et il rêve. Ouais, c'était lapsus révélateur. Rêve de crever. Bon, allez, fun. C'est bien ça. Fin du Mac du jour, retour du Mac du jour, un autre jour. Et puis, bonne nouvelle, dans un instant, nous aurons Monsieur X. Génial. Bah, c'est l'éclat total. Bah oui, c'est enfin, s'il est là, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il soit pas là, un petit peu comme d'habitude d'ailleurs. Mickaël, le podcast. Et puis celui qui était présent avec nous à 21h, qui en deux mots a réussi à dire deux grossièretés, Monsieur X. Oui. Quel accueil. Ah, vous avez vu comment je vous accueille? Ah, tiens, on dirait une star. Mais je suis une star, vous devriez savoir maintenant, ma compte Facebook. Non, ouais, c'est vrai. Oui, donc la semaine dernière, vous êtes bien foutu de nos gueules, vous êtes venu que pour faire la promo. D'ailleurs, oui, je rappelle donc l'adresse, c'est monsieurx@energie.com. Pas du tout, donc c'est monsieur en toutes lettres, X Energie. Vous me cherchez sur Facebook, vous me trouverez. Oui, bah ça reste à prouver encore. Il y a eu plus de meufs? Ça commence à se remplir, ça monte doucement. Et arrêtez, il n'y a que des cums sur votre truc là. C'est pas vrai, c'est pas mais vrai. Si, c'est horrible, il n'y a que des mecs. C'est faux, il y a de la chaîne en rut, c'est que je démonte allègrement. Arrêtez de dire de la merde, il n'y a que des mecs. J'ai été voir tout à l'heure. Non, vous n'avez pas bien regardé. Mais oui, mais il y a de la mais, cochonne. C'est ça, bon bref, monsieur X, bon, vous êtes venu pourquoi? Juste pour faire la promo comme d'habitude? Si c'est ça, ça sert à rien, vous pouvez partir. Bah non, mais moi j'aime bien parler de mon Facebook. Donc monsieur, en toutes lettres, oui, bon, énergie. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Ah mais je voulais vous parler non d'une étude que je viens de voir. Et en fait, c'est-à-dire 80% des hommes qui parlent de sexe sont beaucoup plus heureux dans la vie, sont plus heureux dans leur vie sexuelle. Ah bah vous devez être content, vous. Ben je suis très heureux, c'est pour ça que je vais continuer à parler de sexe tous les soirs, enfin tous les lundis, parce que vous ne m'invitez que le lundi. Mais c'est pas vrai, il y a des jours où vous venez le mardi aussi. Donc voilà, donc ce soir j'avais... Si je vous emmerde, vous le dites, hein. Ben vous m'emmerdez. Ouais, vous enculé. Non, par contre j'aimerais bien pratiquer une petite sodomie, oui, très prochainement, ce serait pas mal. Donc si vous êtes blonde à forte poitrine et que vous rêvez de vous faire démonter sur la table basse de votre salon, n'hésitez pas à appeler moi, je pourrais vous éclater les fesses. Non mais ça ira, monsieur X, quelle poésie. Mais oui, je suis un grand Non mais vous espérez avoir vraiment des filles qui vont venir parce que vous les traitez comme ça? Ah bah écoutez, si vous voyez mon Facebook, vous verriez qu'il y a énormément de grosses... De mecs. Non, de grosses de cochonnes mecs. Qui rêvent de se faire éclater la rate. Mais arrêtez, il n'y a que des mecs. La rate en plus, mais c'est n'importe quoi. Elle est pas si grande que ça, monsieur X. Ah bah écoutez, c'est parce que vous ne l'avez pas encore eu en bouche. Oh. Oh mon Dieu, qu'il est fou celui-là. Quelle horreur. Il répond même pas. Ah, c'est à moi que tu parlais là? Je sais même pas. Ça va pas la tête. Ah non, je ne vous le proposais pas, attention. Ah ouais. Je sais même pas quoi dire. Non, mais par contre, si vous voulez, je peux vous amener des cochonnes qui souhaitent témoigner de la taille de mon engin. Ah ouais. Elles vous parleront de ces missiles. Tu les payes. Il les a explosé. Tu les payes pour qu'elles disent ça. C'est un budget de combien, monsieur X, d'avoir. Des tramitos et d'avoir des filles comme ça qui viennent vous dire ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est génial chez monsieur X, tout ça. Ça vous coûte combien par an? Bah ça dépend de la qualité de la chaîne, ça dépend de ce que vous prenez comme bon, il y a la pouffe de bas étage qui elle forcément est assez simple, un McDo et vous la tringlez sur le parking. Donc vous êtes d'accord pour le dire que vous racontez des conneries depuis tout à l'heure. Pourquoi? Je viens de vous demander combien ça vous coûtait en budget de devoir engager des gens pour dire que vous êtes bon. Ah non, mais je les engage pas, je les baise après elles vont dire que je suis le meilleur, c'est normal. C'est ça, elles d'accord. Elles n'auront connu que moi. Qui a réussi à les faire jouir, donc forcément je suis le meilleur, c'est normal. Et pour en revenir à votre étude, là, ça veut dire que Roselyne Bachelot, si elle sourit tout le temps, c'est parce que... Non, c'est parce qu'elle est con, ça n'a rien à voir. Oh, monsieur X, un peu de respect quand même, merde. Ouais, attendez, quand on achète 90 000 doses pour 60 millions de Français, 90 millions de doses pour 60 millions de Français, forcément, c'est qu'on n'est pas tout à fait... De doses de quoi? Pour le vaccin. Il flux. Non, d'accord, ok. Non, mais j'avais compris. C'est juste pour voir si t'es pas parti dans une autre dose. Ah non, bah non, non, non. Par contre, le popper, c'est très bien. Un petit coup de popper, c'est puis ça glisse tout seul à l'intérieur. Hein. Oui, c'est génial, c'est génial. Bon, ah bah c'est... oui, mais vous devriez essayer ça. Bon, est-ce que c'est tout ce que vous avez à dire, monsieur X ? Comment ça, c'est tout ce que j'avais à dire ? Si tu t'entends. Je vous demande. Attendez, moi vous me demandez de parler de cul, je parle de cul, attendez. Non, je vous demande pas de parler de cul, c'est vous qui êtes censé venir avec quelque chose d'instructif. Mais je vous instruis sur mon bonheur. Mais on s'en branle. Mais non, vous vous en branlez pas. Si vous parliez plus souvent de cul, vous seriez plus heureux. Donc parlez cul un peu. Génial. Bon, on va parler de cul, on va. Mais je suis très content comme ça, monsieur X. Jette lui tes tomates dans la gueule. Bah non, non, merde, je vais garder pour la fin de l'émission. Ouais, vous voyez, vous essayez, alors si on parlait un peu de cul, vous iriez mieux. Bah oui, mais non, je vais très bien aujourd'hui. Parlez-moi de votre dernière sodomie. Celle qu'il a prise ou celle qu'il a faite ? Bah alors là... Ça fait comme il veut, ça ne me regarde pas. Non, non, bah, je te confirme que ça n'est jamais arrivé. Hein. Faites-nous partager votre bonheur. C'était génial. Votre bonheur. C'était génial, mais encore. Bah, va te faire enculer, Jacques. Tu sais quoi ? Va te faire enculer, mais profondément. Voilà, je vais... Vous voulez que je sois vulgaire ? Eh bah très bien, monsieur, vous avez gagné. Ah bah oui, ma femme... Voyez, c'est vous m'invitez et après vous devenez vulgaire, vous dites des choses. Mais... C'est pas ce que je déteins sur vous. Non, l'inverse. Ça, je sais bien que c'est vous qui êtes déteigné sur moi. Bon, allez vous faire foudre. Bon, monsieur X, c'est bon, vous pouvez partir, prendre vos affaires. Monsieur X @energie.com si vous voulez lui écrire. Non, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. C'est monsieur X en toutes lettres, énergie. Comment on écrit X en toutes lettres? I-C-K-S. Mais tapez monsieur X, vous verrez, j'arrive. Mais sur Facebook, dis-le, espèce d'idiot, tapez monsieur X. Bah oui, mais tapez monsieur X, tu veux que je te tape? Vas-y. Non, je préférerais que ce soit une femme qui me tape, hein, une petite fessée, ce serait pas mal. Tu veux que je m'en charge? Une gifle, une bonne gifle. Viens me mettre la fessée. Oui, mais je vais la mettre en pleine tronche, la fessée. Hein. Ah bah non, c'est pas une fessée alors. Hein. Ah, c'est une claque. Oui, ça s'appelle une claque ou une gifle. De cul donc. Bon, monsieur X. Oui. Allez, casse-toi. Bon, bah au revoir. Au revoir. Ben, au revoir. Ils faisons malheureux, c'est genre on va avoir de la peine. N'importe quoi là. N'importe quoi. Exactement, ouais, casse-toi. Bon, monsieur X, @energie.com, donc si vous voulez le joindre surtout, n'hésitez pas, bien entendu. On aura de Piolo Show dans quelques instants. Et puis le question pour une réponse, hein, comme tous les soirs aux alentours de 23h30. Si vous voulez d'ailleurs vous inscrire, 612, débutez votre message par énergie avec votre numéro de téléphone. Mickaël, le podcast. Et nous allons accueillir maintenant Sylvain et Sofiane. Bonsoir Sylvain, bonsoir Sofiane. Salut Mickaël. Comment Salut. Ça va? Salut tout le monde, ça va? Salut. Bon, ben, bienvenue à vous Sylvain, 46 ans de Toulouse. Ouh, le vieux. Comment... Eh oui, allez le stade. Eh oui, bah oui, allez, Sylvain. Allez le stade à Toulouse. Bon. Le rugby. Et le rugby. Ouais, ils disent du rugby. Sur télévision. Le rugby, non, c'est pas son télévision. Oh, attention, c'est le rugby, Julien. Bon, c'est la merguez. Sofiane, c'est une merguez, oui. Sofiane, 18 ans, de Valenciennes. Salut Mike, salut l'équipe. Salut. Ça va, Sofiane? Ouais, tranquillou, là, en plein examen, mais ça va. Oh, bah, il faut que ça arrive à tout le monde. Ouais, il faut réviser un moment. Mais ouais. C'est important. Mais il y a un moment, faut un peu bosser. C'est hein. Pour Valenciennes au foot? C'est fini. Ah oui, Valenciennes. Ah, tu sais que... Non, je peux préciser, je donne une petite info foot comme ça. Ouais, allez, vas-y. Bizevac devrait signer à Paris. Et peut-être la même chose pour Tiennet. Le club n'a pas encore donné son accord, le club de Valenciennes. C'est vrai, mais ça devrait se faire. Eh ben dis donc, on est pour au top. Pour une somme modique, puisque le PSG n'a pas d'argent. On est au top de l'information footballistique, c'est le principe, hein. C'est pas mal, hein. Ah, c'est les crevards à Paris. C'est pas mal, c'est... Oui, à mon avis, ouais, déjà qu'ils ont diminué les prix des places. Oui, puis qu'ils ont augmenté le déficit aussi. Et puis qu'ils ont augmenté le déficit aussi, effectivement. Mais pourquoi ils ne revendent pas leur stade? Parce qu'il n'est pas eux. Ah, c'est ça le problème. Bah oui, c'est un gros c'est une bonne raison. C'est le gros problème du PSG. Donc, quoi, il le loue à la mairie de Paris? Bah oui. Ah, oh la honte. Bah non, pas la honte. Bah tous les autres, ça... Mais non, c'est bien le problème du foot français. C'est qu'on n'a pas de stade. Ah bah non, Valenciennes, on est propriétaire. Voilà, il y a Valenciennes, il y a Lens et il y a un autre club. Il y a le MM Arena, là. Non, mais il est pas fait au moins encore. D'accord, ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Ah, ça me fait chier. Attends, mais il y a ta coupe de cheveux qui nous emmerde, on te dit rien. Moi j'ai rien demandé. Bon, c'est vrai, on t'a fait chier la semaine dernière, j'avoue. Et va se calmer d'Artagnan. D'Artagnan. T'as pas vu la moustache qu'il a? Oui, c'est vrai, mais j'arrive pas à l'enlever. On parie? Allez, voilà cette excuse maintenant. C'est quoi, je n'arrive pas à enlever ma moustache. Écoute, tu vas voir, je la rase, j'ai la même demain. Oui, ça pousse. Non, mais demain. Tu veux que je la rase? Non, tu me touches pas, toi. Avec son rasoir avec lequel il s'est rasé les couilles. Ouais, grave. Il me le donnerait, hein. Mais non, je vais acheter un beau rasoir ça va. Avec de la mousse. Non, tu veux pas. Non, mais ça va. C'est aller. Gratuit, ou? Oui, c'est gratuit, mais bon, j'ai de la mousse. Oui, mais là, j'ai un rasoir. T'en gaspirais moins. Bah non, mais de toute façon, moi, je le fais au savon, donc... Ah bah oui, bah voilà. avec de l'eau et je frotte. En même temps, c'est pas pour les trois poils qu'il a. Bon, alors, on va jouer, Sylvain et Sophia, nous allons jouer aux questions pour une... Réponse. Allez. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Question pour une réponse et malheureusement nous venons de perdre. Ah bravo Sylvain. Michel. Dommage. Est-ce que Sylvain va déclarer forfait? Sofiane, tu auras peut-être gagné même avant de jouer. Ah ce serait puissant ça. Ah ce serait pas mal. C'est le petit cadeau des examens, tu vois. Eh bah écoute, attends. Alors Sylvain est de retour. Bah Sylvain, qu'est-ce que t'as foutu? Rien, ça a bugué. Ah bah oui, je vois ça, oui, que ça a bugué. C'est Micha, c'est pas grave. Ouais, c'est Micha qui a bugué, c'est pas grave. C'est pas grave, on a l'habitude. Il a bugué. Bon, t'as bugué? Il a dit t'as bugué. T'as bugué. Il a dit que tu as raccrochonné. Bah attends, alors là... Confrontation. Allumons le micro de Micha, s'il ça, c'est incroyable. C'est pas possible parce que je peux pas raccrocher au nez quand ils sont à l'antenne. Il vient de dire c'est le standardiste qui a bugué. Et je peux pas raccrocher, je répète, mais pas c'est bien raccrocher. Ce qu'on te reproche. Oh là là là, oh ça, ça doit être chaud. Ah oui, c'est chaud là. Ça veut rien dire, mais ouais, bravo. Bravo. Bon, Sylvain, Sofiane, on y va, d'accord? Ok. Vous jouez avec qui? Sylvain, tu joues avec qui? Le Roux. Allez Sylvain. Avec le Roux. Avec Sofiane, tu joues avec qui? Donc je vais le dire à la manière dont Micha me l'a dit, Sandro la tricheuse. Ah c'est toi qui engraine les gens contre moi Micha. T'écoutes pas. Sandro la tricheuse. Tu te rends compte hein. On t'entend pas. On t'entend mal. Micha, tu viens de faire sauter ton micro. Tu viens de... Non mais ça marche pas. Enfin tu l'as pété ou quoi là. T'emballe pas Micha, t'emballe pas. Ça bravo. Il a cassé son micro. Ah bah oui, il est même branché. Il a enlevé le fil. Il a enlevé le fil qui est gogol alors. On va pirater mon micro. Mec, tu t'es enlevé ton micro. Mais non, on l'a piraté, je te dis. Mignon. Eh bah si. Je vais refaire le roux. Je vais faire Micha. Bah oui, bah... Bah je suis pas animateur radio moi. Arrête, c'est horrible. Arrête. Ah, voilà, c'est bon, on m'a piraté. Oh là là, ils sont mauvais. Je te jure, mais c'est dingue d'être mauvais comme ça. Je suis pas mauvais. Viens toi, viens faire standard. Mais j'ai déjà fait le standard moi. Ouais bah j'aurais bien aimé être là pour voir. Oui mais t'étais petit encore avec. Ouais ça devait être bien rigolo. Surtout en Belgique. Ah ouais bah on avait un standard ouais. On avait un téléphone avec deux lignes. On avait deux lignes ouais. Ils avaient des gobelets avec des fils et tout qui partaient dans toutes les... Exactement. Bon Sylvain, tu joues avec Leroux. Sofiane, tu joues avec Sandro. On y va. Première question. Vous êtes prêts? Oui, ouais. Première question pour vous, effectivement, Julien. Attends, y a Tof qui reçoit un coup de téléphone. Oh. C'est fini, c'est bon? C'est fini, ça s'est arrêté. Oh, putain. Allez, on y va, attention. Top, je peux être un agré... Oula. Ouais, j'ai... 1, 2, 3, on recommence. Allez, attends, il y a Micha. Non, mais on a un professionnel avec nous. Qu'est-ce qu'il veut, Micha? Non, rien. Ah, il saute sur l'occasion. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais jamais fait la faute. Ça te rappelle des trucs, une bouteille la semaine dernière? Non, ça va. Il a bugué. T'es sûr? Allô? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je pète à la graisse de gymnastique artistique féminine qui fait 5 mètres en... La roue? Sylvain? Non. Sylvain? Sylvain, la poutre. La poutre, bonne réponse. Oh, le bâtard. Oui. Il joue avec qui Sylvain? Et Sylvain joue avec avec Roux. Le Roux. Ah, bien joué, ouais, mec. C'est dommage. Qui fait 5 mètres en longueur et 10 cm en largeur. Je suis également une théorie qui est un modèle utilisé dans le domaine de la résistance des matériaux. Mais on me retrouve le plus souvent dans les maisons car je suis une pièce longue horizontale servant à reprendre des charges au-dessus du vide. Moi et mes potes, les piliers et les colonnes, on est des pièces maîtresses dans une maison. On peut m'utiliser également quand quelqu'un a un très grand sexe. Dans ces cas, on dira qu'il a une moix de Bamako. Je suis donc une outre. Deuxième question à zéro pour Sylvain Héroux. Vous êtes prêts? Ça se joue maintenant. Attention, oui, tout se joue maintenant, Julien. Top, si on me cite, on pourrait dire que je suis nouveau et comme Greg le millionnaire, je suis dur de partout. Les Niçois adorent raconter des salades et pourtant Sandro. Je suis... Bah non, rien. Ah oui, ça la peine de oh là là, et pourtant je suis dedans, je peux être une œuvre d'art pour Monsieur Fabergé, comme les téléphones mobiles, j'ai une coque sur moi. Sylvain. Quoi? Non. Sandro? Oui. Un œuf? Bonne réponse. Oui. Bravo. Merci, quoi, Sandro. Tu l'as soufflé? Ah non? Mais non, il joue, hein. Oui, enfin, bah, ah, mais là, je suis un berger. Et j'ai parfois la même forme qu'un ballon de rugby. Je suis un plat extrêmement cher si je viens du poisson, mais je ne vaux rien si je viens de la poule. La question que tout le monde se pose est, mais qui est arrivé en premier, moi ou la poule? À Pâques, je joue à cache-cache avec les enfants, et si on me multiplie par moi-même, on obtient 81. Je suis un œuf. Bonne réponse. Ex aequo, Sylvien et Sofiane. Score à zéro. Score à zéro. Vous êtes prêts pour la dernière question? Prêt, ouais. Qui suis-je? Attention, effectivement, qui suis-je, Julien? Attention. Top! Je suis né le 14 octobre 1978 et je suis d'origine haïtienne, comme mes confrères 50 Cent et Dre. Je suis un chanteur de R&B, mais aussi danseur, acteur et enfin producteur américain. Oh. Sofiane. Oh. Jason Derulo? Non. Sandro? Sofiane. Phil? Non. Sandro, Jason Derulo? Non. Enfin, tu crois que je chipote pour un accent? Ah bah oui, oui, toi. Mais oui. Non, alors n'importe quoi. Roux? Oui. Huché. Sandro? Je peux continuer. Bonne réponse. Oui. Quel bâtard. C'est toi qui joues. Ah, je viens de comprendre. Ah oui, t'as mis un truc. Quel est le cadeau de Mickaël? Ah bah une seconde, je termine d'abord. Je commence la musique très tôt, puis c'est 14 ans, je suis découvert par un dirigeant de LA Face Records dans un concours dans ma ville d'Atlanta, ville qui verra en 2007 et 2008, pardon, mes deux enfants naître. J'ai vendu près de 40 millions de disques dans le monde avec notamment des tubes tels que You Remind Me, Confessions ou encore le carton Yeah en trio avec Lil Jon et Ludacris. Yeah. Je produis en ce moment un petit jeune nommé Justin Bieber et mon vrai nom est Raymond Terry. Je suis donc Usher. Ça c'est bon, Michael. Et oui, et non pas Huché, qui ne veut absolument rien dire. Ça veut dire rien. Mais non, mais moi je suis très français. Oui, bah je vois ça, ouais. Bon, bah bonne réponse, bravo à toi, Sofiane. Ah merci. C'est gagné. Allez, vas-y. Une dédicace. Vas-y. Ah donc dédicace à toute mon équipe de hockey, le VHHC de Valenciennes. Là, allez, on va reprendre une bonne saison l'année prochaine. Ouais. Petite dédicace à tous les potes du Bœil en plein examen. C'est la galère, mais bon, c'est encore une semaine à prendre en vacances. Et une dédicace à tous les JSP du Nord-Pas-de-Calais. On est aussi en examen le samedi. Samedi, LSPCC, INC, n'oubliez pas, révisez bien. Alors voilà. Très bien. C'est bien les dédicaces scolaires. Oui, voilà, c'est ça. Bah écoute, de rien, pas de problème. Dédicace examen, là, normal. Ouais, bah, c'est raison. Ça, hein, mais t'as raison. Hein. Bon, salut à toi, Sofiane. Ah, salut, Mike. Ciao à toi. Et puis, salut, Sylvain. Sylvain, pardon. Sylvain. Salut, Sylvain. Sera bien reçu. À bientôt. A bientôt, bye. Allez, bye. Ciao, et fin donc du question pour une réponse, retour du question pour une réponse. Un autre jour, en l'occurrence demain. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Bon, et puis restez là, on va revenir dans un instant, après la pub, The POLO Show sur Énergie. Mickaël, le podcast. Ok, section d'assaut pour Welcome to the POLO show, bienvenue à tous, j'espère que ça va, moi ça peut aller. Après avoir bu une vingtaine de cafés aujourd'hui, mon cœur palpite, comme si j'avais rencontré la femme de ma vie, sauf que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elle va venir un jour? C'est la question que je me pose. Jingle, pub et on se retrouve juste après. Aujourd'hui il s'est banalisé. Ta gueule. Ses idées circulent en soirée, au boulot, à l'école. On se dit ce n'est pas grave, mais en fait si c'est grave. Car ce n'est pas parce qu'il s'est banalisé qu'il est moins dangereux. Le football attaque notre cerveau, diminue nos capacités de perception, de réflexion, peut nous rendre abrutis et entraîner des troubles de l'ordre grave. Alors ne fermons pas les yeux. Pour connaître les risques liés au hooliganisme et les aides disponibles, appelez votre avocat. Appel gratuit depuis le commissariat. C'est long. C'était un message du ministère des vrais amoureux du foot. Ah. Hey, how's it going? We're called Muse. You're listening to the POLO show. Tous ceux qui se posent la question, ce sont des vrais. C'est vraiment le groupe Muse qui est venu dans l'émission et qui m'a enregistré ce jingle et à leur demande. J'aurais dit non, écoutez les gars, non, là là là. Ils m'ont dit si, on va le faire, mec. Et ça fait plaisir, ça me touche. J'avais envie de roter, mais je le ferai pas à l'antenne. Je ne suis pas un couche. Qui est là? Allô, Polo? Oui, quelle est cette voix efféminée, mais même temps masculine qui me fait penser à la Belgique? Mais c'est Jean-Claude, Polo. Oh, Jean-Claude, Jean-Claude, la Carlouze. Jean-Claude. Oui, Jean-Claude du fucking Blue Boy, mon chéri. Bon, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je t'appelais, en fait, je t'appelais pour la prostate. Quoi, la prostate? Ben, on m'a dit, c'est la journée de la prostate. Et la grosse tate? Non, la prostate. Aujourd'hui, les gens, ils sont congés parce que c'est la prostate, on m'a dit. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Claude? T'es malade ou quoi? Ah ben non, on m'a dit aujourd'hui c'est la prostate, alors moi je t'appelle. Mais ça veut rien dire, c'est la prostate. Bon, bah aujourd'hui c'est la prostate. Alors bah demain ce sera le foie. Ah ben non. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec la prostate? Mais je sais pas, on m'a dit c'est congé aujourd'hui parce que c'est prostate. Elle va se calmer celle-là, elle va pleurer alors, aussi. Non, je vais pas pleurer, enfin, sauf si tu me dis que tu m'aimes plus, mais ça c'est un autre problème. Ah, non, mais attends Jean-Claude, je ne t'ai jamais aimé, Comment ça tu m'as jamais aimé? Non, mais moi les hommes, j'ai du mal avec les hommes. Vous savez, je préfère enfin, les femmes. Polo, après tout ce qu'on a vécu ensemble. On n'a rien vécu ensemble. Tout cet amour qu'on a partagé. Bon, ça suffit Jean-Claude. Bon, la prostate, c'est le jour de la prostate, tu veux parler de la prostate, on y va. Bah non, enfin je voulais savoir si j'aurais pu titiller ta prostate ce soir. Tu veux vraiment une réponse je vais rester correct. Non, Jean-Claude. Ah bon? Ça va pas être possible ce soir. Tu m'aimes pas, je peux pas titiller ta prostate, mais qu'est-ce qui se passe, Polo? Ça va pas? Qu'est-ce qui m'énerve? Non, je ne suis pas de ton bord, Jean-Claude, ça suffit, allez, tu t'en vas. Mais prends ta prostate. Moi, je t'aime, Polo. Oui, si, ben, tu prends tes produits, là, tes produits anneaux, là, anal, je sais pas quoi, là. C'est vrai, je peux te mettre du lubrifiant. Voilà, tu pourras me mettre du lubrifiant, t'es content? Ah, c'est vrai? Bon, allez, casse-toi. Ah, j'arrive, Polo. Ouais, allez, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que des glingos ici? Hein? Bon, qui est là? Allô? Allô, allô? Allô? Bon, il y a personne. Qui est là? Oh, monsieur? Polo. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes perdu dans le réseau? Monsieur, vous êtes perdu dans le réseau? Non, je suis perdu avec Bauer. Bon, encore? Mais vous passez votre vie à regarder Bauer? Bauer, oui. Il me manque les trois derniers fils. Bah, monsieur, on va vous aider. Pleurez pas pour ça, c'est pas grave. Je voudrais les trois derniers, il est laïque. Monsieur, c'est pas. Y a pas mort d'homme, vous allez les avoir, les épisodes. Monsieur R. Monsieur R. Pleurez pas pour ça, on va vous les trouver les épisodes. Il est laïque. Non, Ikel, il est pas là. Il s'est déjà barré. Ouais. Il est parti pour un lundi déjà. Oui. Elle est là, chiffon là. Elle est là, chiffon, elle est là, ouais. Elle est là. Son barbu a toujours la tête de Kojak. Ah bah oui, c'est un barbu comme il se doit, bien, bien épilé, bien rasé, nettoyé. Et la putain de roue est où? La putain de roue, il est pas là, roue. Non mais j'ai décidé que j'allais faire l'appel. Allez, je reprends. Et Ika, elle est là. Il est là, Ika, elle est là. Enfin, il est pas là, non, il est pas venu aujourd'hui. Le réveil a pas sonné. Allez, la suite. Le RPT Man est là? Non. D'accord. Le Nain est là? Oui. En pleine forme? Le pervers est là? Il est là. En pleine forme? Je mettrai peut-être un petit doigt tout à l'heure. Sadra est là? Sadra est là. Sadra? Ouais. Non, il n'y a pas de ouais. C'est oui, monsieur. Ouais, monsieur. Non, oui, monsieur. Oui, monsieur. Et Sadra, j'ai léché la chatte de Batata. C'est bien. Elle est bonne. Voilà, donc je reprends le cycle normal, la sienne demain. Ok, parfait. Monsieur, on va vous trouver les épisodes, ne vous inquiétez pas, d'accord? Arrêtez de pleurer, essuyez-vous avec un chiffon. Oui, bah la tête de Sadra. D'accord, on fait comme ça. Il peut pas me trouver. Si, mais il est pas là, là. Mais je lui envoie un mail. Il adore ça. Je le mail. Je lui envoie un mail. Polo. Oui. Gaël, mon fils. D'accord, je vous remercie, je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Qui est là pour terminer ce P.O.L.O. show? Ah non, pas là. Oui. Mais pas là. Dada Duck? Non. Daffy Duck? Non. Un canard, c'est qui? Non. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Bravo. Quel talent. Hop. Même pas besoin, j'ai regardé comme ça du coin de l'œil. En fait, parce que j'avais un cil qui était coincé et... Jingle de fin. Bon, qui est là? Micha, tu devrais parler encore plus fort. Allô? Oui. Allô, pour là? Oui, monsieur le canard. Oui, j'aimerais lancer un débat. Ouais, bah lance. Alors, je voulais savoir si tu es pour ou contre le port du bourrelet. Malheureusement, je ne peux être que pour. Que je suis... je possède quelques bourrelets disgracieux, mais je les ai. Que pour? Ouais. Bonne fête. Hein? Bonne fête de Kepour. J'ai pas compris la vanne. 27 de Kepour. Oui. C'est avec quoi? C'est quoi la vanne? On a fait du link. Quoi? On a fait du link. Bonne fête de Kepour. Ah, oh là là, oh là là, quelle vanne, bravo. C'est quoi ton prénom, le canard? Tu rigoles vraiment comme ça ou du... c'est quoi ton prénom? Le frère de Paul. Bon, c'est quoi ton prénom? Quoi? P-O-L-A. Quoi? P-O-L-A. P-O-L-A. Paula, d'accord. Bon, bah Paula, tu reviens quand tu veux, hein, pour lancer des débats extraordinaires comme le port du bourrelet. Allez, au revoir. Ainsi s'achève le polo show. Et peut-être qu'un jour il s'achèvera définitivement. Que sa mort, mort approche. Mais pour l'instant il est là, donc profitons-en, on va y aller. Merci à ceux qui ont écouté le polo show et merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Car grâce à eux, tous les soirs, je suis dernier et ça c'est beau. Non et ça c'est beau. Eh ouais, allez, ben, je m'en vais. Parfait, très bien. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.